Vous êtes assez fous. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Antoine Ricard passera comme un coup de vent sur la soupe pour nous jaser de plein air. Et je serai comme un cheveu dans un jus de pied dans ma chronique Itania is gonna entertain ya. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. En ce lundi 5 mars 2018, on est à 53 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Petit matin ensoleillé aujourd'hui. Oui, certainement. Il fait de plus en plus clair plus tôt. À 6h30. C'est plaisant. Ça veut dire que l'été s'en vient, mesdames, messieurs. Ah, quand les crèmeries sont ouvertes, le soleil se lève tôt et que les oiseaux chantent. Exactement. Je pense que l'hiver, ça fait son temps. À un moment donné. On se calme. Hein? On a compris. S'il vous plaît. C'est ça. Bref, bienvenue à cette émission matinale qu'on appelle Assemblage requis. Et aujourd'hui, encore une fois, changement de plan. Notre session est particulièrement instable cet hiver. Ben voyons, ouais. De quoi tu parles? Léa Tessier, qui est habituellement avec nous à 7h30 pour son match-up musical, déménage au jeudi à la même heure, 7h30. Ensuite, on a Marc Gagné, qui habituellement serait le lundi matin aussi, déménage lui aussi au jeudi. Hé, hey, grosse journée! À 8h, oui, exactement. On va transférer le mal de place, je pense. Ouais. Mm-hmm. Qui d'autre? Marc Lachance, lui, prend une petite pause pour l'instant. On verra quand il reviendra, mais pour l'instant... Comme tous les étudiants, il est en relâche. C'est ça, c'est stand by me. Oui, c'est ça, exactement. Le seul qui nous reste du lundi, le rescapé, c'est Antoine Ricard. Mm-hmm. Notre petit nouveau du lundi qui va être avec nous tantôt à 8h pour sa chronique plein air. Ça va être pas mal bon, ça. Autour de ça, on va avoir ta chronique aussi qui s'en vient. Tania Gala Entertainer, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler d'un événement qui s'est déroulé du côté du centre-ville de Trois-Rivières samedi soir, c'est-à-dire la 3e édition des Nuits polaires. C'était le dernier soir. Oui. Mais des fois où j'ai vu le centre-ville plein, c'était une fois assez mémorable. Je vous en parle un peu plus tard. Oh, super. On va entendre de la musique aussi de ça. OK, oui, exactement. Oh, oui. C'est dans Tania Gala Entertainer plus tard. Aussi, quelques autres chroniques maison qu'on verra qu'est-ce qu'on a pour remplir cette émission-là. Maison débute avec Cherry Cherry. Que voici avec Hurler à la lune. Assemblage requis. Oh, après ça, on parle des Oscars dans son petit commerce. Ah, oh, OK. Ouais, faut oublier ça. Hein? C'est bon. Yeah. chérie avec Hurler à la lune. Oh. Tu vois, je me mêlais tantôt parce que je pensais qu'on l'avait déjà joué fréquemment, mais non, celle qu'on a joué, c'est Mardi Noir avec Nourrir les loups. C'est ça. Avec Nourrir les loups et Hurler à la lune, je sens une thématique. Écoute, ça se ressemble. Les gens sont du style plein air ces temps-ci dans leur thème musical. On dirait. Justement, on va parler de plein air tantôt avec Antoine Ricard, mais avant ça, on va parler des Oscars. Donc, Ricard et Oscar, voici son foutu palmarès. Où on parle de choses dans un ordre, hein? D'ordre plus ou moins précis. Donc, on a une liste et on la fait dans l'ordre. Hein? C'est pas mal ça, la thématique de la chose. Ça ressemble à ça. Et aujourd'hui, ben, j'ai rassemblé plusieurs listes par rapport à un même sujet. On parle de cinéma, des Oscars un peu. OK. Des trucs que peut-être que vous ne savez pas sur les Oscars. Commençons avec une liste de fois où il y a eu des égalités aux Oscars. Oh! Il y a seulement eu 6 égalités à travers l'histoire des Oscars, les Academy Awards, depuis les 90 dernières années. Donc, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'AMPAS, a plusieurs membres qui votent pour des nominés dans les catégories correspondantes. Et donc, voici 6 fois où ils ont pris une décision qui était ex-aequo. Commençons par le prix pour meilleur acteur en 1932. C'était la 5e cérémonie des Oscars et les règles étaient différentes d'aujourd'hui. Si un nominé, un nommé, comme on appelle, hein, recevait une mention qui était à l'intérieur de 3 votes du gagnant, donc la mention de deuxième place, alors cette mention-là où la personne recevait aussi un prix. Tu comprends? Okay. Donc, l'acteur Frédéric March avait un vote de plus que son compétiteur Wallace Beery, mais étant donné que les votes étaient si proches l'un de l'autre, l'Académie leur a donné l'honneur aux deux. Ils ont battu le seul autre nommé dans la catégorie, Alfred Lunt, qui lui n'a rien eu. Hein? March a gagné pour sa performance dans le film d'horreur Dr. Jekyll and Mr. Hyde, alors que Beery a gagné lui pour The Champ. L'auteur Francis Marion a gagné meilleur scénario pour un film. Tout ça a été refait en 1979 lorsque Ricky Schroeder et John Voight ont repris le film The Champ. Voilà. Beery et March étaient aussi des nommés précédemment. Beery pour The Big House et March pour The Royal Family of Broadway. March a gagné un autre Oscar en 1947 pour The Best Years of Our Lives et aussi gagné le meilleur film. Et on dit que March était le premier acteur à gagner un Oscar pour un film d'horreur. Ah ouais? Intéressant. Ensuite, meilleur documentaire, court sujet, en 1950. Donc, en 1950, les règles avaient changé un petit peu, mais il y avait toujours une possibilité d'égalité aux Oscars. A Chance to Live, un film de 18 minutes réalisé par James L. Shute, est arrivé à égalité avec le film animé So Much for So Little. Le film de Shute, lui, faisait partie de The March of Time, de la compagnie Time Inc. C'était une série de documentaires qui parlait du Monseigneur John Patrick Carroll Abing, qui a installé une maison pour les jeunes garçons en Italie. Réalisé par Chuck Jones, qu'on connaît pour Bugs Bunny. So Much for So Little, lui, était un film animé de 10 minutes qui parlait de la situation de la santé qui n'allait pas bien aux États-Unis à ce moment-là. Les films jouaient contre 2 autres films. Un film français nommé 1848 qui parlait de la Révolution française de 1848 et un film canadien nommé The Rising Tide. Ensuite, on parle d'égalité aux Oscars avec le prix pour meilleure actrice en 1979. C'est sûrement le plus connu pour les gens qui connaissent les égalités aux Oscars. C'était la deuxième et la dernière fois qu'un prix pour le talent d'acteur était séparé en deux. La présentatrice Ingrid Bergman a ouvert l'enveloppe. Elle a découvert que c'était une égalité entre la nouvelle Barbra Streisand et la gagnante de 2 Oscars, Catherine Hepburn. Les deux avaient reçu exactement 3030 votes. Streisand, qui avait 26 ans à l'époque, était donc à égalité avec une femme de 61 ans qui jouait dans The Lion in Winter. Elle qui avait déjà été nominée 10 fois dans sa longue carrière et qui avait gagné l'Oscar de meilleure actrice l'année précédente pour Guess Who's Coming to Dinner. Hepburn n'était pas présente à la cérémonie, donc tous les yeux étaient sur la gagnante Barbra Streisand pour le film Funny Girl, qui portait une robe qui la révélait pas mal. Hein, et qui a donné un discours assez inspirant, nous dit-on. Ensuite, quelques années avant ça, Barbra Streisand avait reçu une nomination aux Tonys pour avoir joué Fanny Bryce dans le musical sur Broadway Funny Girl, mais n'avait pas gagné. Et à ce point-là, dans sa carrière, elle était chanteuse gagnante de Grammy, Award. Ouais. Mais Funny Girl était son premier film. En 1974, Streisand a été nominée de nouveau pour The Way We Were et a gagné en 1977 pour sa chanson avec Paul Williams, Evergreen, sur A Star Is Born. Et puis finalement, Catherine Hepburn, gagnante de 4 Oscars, a gagné son dernier Oscar en 1982 pour On Golden Pond. Ensuite, égalité pour meilleur documentaire en général en 1987. La diffusion donc du 30 mars 1987 a fait l'histoire avec une autre égalité, cette fois-ci pour documentaire. C'est Oprah Winfrey qui présentait le prix pour le film de Bridget Berman, qui parlait de la clarinettiste Artie Shaw dans Artie Shaw, Time Is All You've Got. Et aussi à Down and Out in America, un film qui parlait de pauvreté américaine dans les années 80. L'ancien gagnant d'un Oscar, Lee Grant, qui a gagné meilleur acteur de soutien en 76 pour le film Shampoo, a réalisé Down and Out et a gagné le prix Oui, c'est ça? Oui. Ouais. Pourquoi? Pour les producteurs Joseph Furry et Milton Justice. Ah, voilà. Parce que lui, il a réalisé. Et les autres étaient producteurs. Voilà. Ensuite, meilleur court-métrage avec des humains en 1995. Il y a plus de 20 ans, la même année où Tom Hanks a gagné pour Forrest Gump, la catégorie court-métrage avec des humains a eu une égalité entre deux films complètement différents. Une comédie britannique de 23 minutes, Franz Kafka's It's a Wonderful Life, et le film jeunesse LGBTQ+, Trevor. À la vedette de Doctor Who, Peter Capaldi a écrit et réalisé le premier de ces deux films, mettant en vedette Richard E. Grant dans le rôle de Kafka. Et le film de BBC Scotland montrait Kafka en train d'avoir de la difficulté à écrire The Metamorphosis. De l'autre côté, Trevor, c'est un film dramatique sur un garçon de 13 ans qui essaie de se suicider. Oh. Écrit par James Lessine, réalisé par Peggy Rajski, le film a inspiré la création du Trevor Project pour aider les jeunes gays en crise. C'est un film qu'ils ont fait pour tous ceux qui se sentaient rejetés. Voilà. Et puis ensuite, dernier prix qui a été, à égalité, ex aequo, c'était en 2013, très récemment, pour meilleur montage sonore. Ah, OK. Meilleur montage sonore. Mais ouais. C'était Zero Dark Thirty et Skyfall qui ont battu Argo, Django Unchained et Life of Pi en montage sonore. Mark Wahlberg et sa co-vedette animée Ted ont présenté le prix à Paul N.J. Otteson de Zero Dark Thirty et... Per Alberg et Karen Baker Landers pour le film Skyfalls. Il a dit No BS, we have a tie. Donc, je sais même pas des jokes, on a une égalité. C'est ce que Wahlberg a dit, assurant donc aux gens que c'était pas une attrape, une petite farce. Hein? Otteson a été annoncé en premier, a donné son discours avant que Hallberg et Baker Landers apprennent qu'ils étaient les autres gagnants. Ils ont gardé le deuxième gagnant pour après le petit discours. Bref, Otteson a gagné aussi deux fois en 2010 pour sa collaboration avec Kathryn Bigelow dans The Hurt Locker pour Best Achievement in Sound Editing and Sound Mixing. Donc, encore une fois, meilleur montage sonore, meilleure édition sonore, meilleur montage. Alors que Hallberg avait aussi gagné un Oscar pour meilleur effet sonore, meilleur montage d'effet sonore pour Braveheart en 1996. Et en 2008, Hallberg et Baker Landers avaient gagné meilleur montage sonore pour The Bourne Ultimatum. Otteson a dit au Hollywood Reporter qu'il avait possiblement prédit qu'il allait gagner. Donc juste avant que sa catégorie sorte, un autre nommé était à côté de lui et a dit « S'il y avait une égalité, qu'est-ce qu'il ferait? » Ben, on aurait une égalité. Tu vois, il avait comme prédit qu'il y aurait peut-être une égalité. Eh bien, voilà pour quelques fois où les Oscars ont fait des égalités à travers l'histoire. Continuons avec 6 personnes qui n'existent pas vraiment, mais qui ont été nommées pour des Oscars. C'est difficile de se faire nommer pour un Oscar, évidemment, quand t'es une personne vivante, mais c'est encore plus difficile de te faire nommer quand t'existes pas vraiment. C'est sûr que ça aide pas. Donc, une petite liste de mentalfloss.com. Commençons par Robert Rich, qui a été nominé pour The Brave One en 1956. Dalton Trumbo, qui était le sujet de biopic, donc un film biographique en 2015, nominé aux Oscars. Trumbo faisait partie d'une liste noire à Hollywood pendant l'ère de McCarthy, où on chassait les communistes. Mais il ne voulait pas laisser ça... l'empêcher d'écrire. Donc, il l'a fait non pas sous un pseudonyme, mais une douzaine de pseudonymes. Il y en a deux qui ont gagné des Oscars. Trumbo était membre du Parti communiste américain. Il a servi 11 mois pendant dans un pénitencier. Pardon, il a été emprisonné dans un pénitencier au Kentucky quand il a refusé de participer à une enquête du Congrès. Il a gagné un Oscar pour The Brave One sous le nom de Robert Rich, ce qu'il a éventuellement reçu en 1975, un an avant sa mort. Trumbo a aussi écrit Roman Holiday en utilisant le vrai nom d'un auteur qui s'appelle Ian McLellan Hunter, mais c'était un front, comme on appelle une... une parure. Une parure, c'est bien dit ça. Merci. Ben oui. McLellan, qui a reçu l'Academy Award pour Roman Holiday, m'a plus tard admis qu'il n'avait pas participé du tout au film. Trumbo a reçu un Oscar posthume en 1993 pour le classique de Audrey Hepburn, et en 2011, son crédit d'écriture a été ramené sur le film lui-même dans les nouvelles éditions. Ensuite, Pierre Boulle pour The Bridge on the River Kwai en 1957. Mais en fait, on dit que Pierre Boulle existait vraiment. Non seulement a-t-il écrit le roman The Bridge Over the River Kwai, mais il a aussi écrit Planet of the Apes, donc la planète des singes. Mm-hmm. Mais même si Boulle a gagné un Oscar pour avoir écrit le scénario de Bridge, il n'a pas vraiment écrit lui-même. En fait, il ne parlait pas et ne lisait pas l'anglais du tout. Ah ouais, ouais, je savais pas. Les vrais auteurs qui ont adapté ce roman étaient aussi sur la liste noire dont on parlait tantôt, donc ils ne pouvaient pas recevoir le crédit pour ce qu'ils avaient accompli. Les veuves des deux écrivains, Carl Foreman et Michael Wilson, ont finalement reçu leur Academy Award posthume en 1985. Ensuite, on continue avec Nathan E. Douglas pour The Defiant Ones en 1958. Un peu de la même façon, Nathan E. Douglas a été inventé ce nom-là pour couvrir Nedrick Young, un jeune écrivain qui était aussi sur la liste noire après avoir invoqué son cinquième amendement pendant son procès devant le House Committee sur les activités non américaines. Donc l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences lui a donné le crédit pour l'Oscar en 1993, 25 ans après sa mort. Young, qui a aussi été nommé pour Inherit the Wind en 1960, mais n'a pas gagné ce coup-là. On parle en ce moment de gens qui ont été nominés pour des Oscars, mais qui n'existent pas vraiment. On continue avec P.H. Vazak pour Greystoke, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, en 1984. Encore une fois, on dit que P.H. Vazak existait, mais il n'a pas écrit ce film-là. En fait, on dit que P.H. Vazak était un chien hongrois. Oh! Ouais. Un chien berger, en fait. Okay. Le vrai écrivain derrière ce scénario-là, Robert Towne, n'était pas heureux de la direction qui se passait avec certaines réécritures du film. Et il a décidé qu'il ne voulait pas prendre le crédit pour tout ça. C'est pour ça qu'il a choisi ce nom de chien, P.H. Vazak. Je suis pas certaine, pas toute même. mais bref, P.H. Vazak n'a pas eu à sortir son discours de chien parce que Amadeus a gagné pour meilleure adaptation de scénario à la place. Ensuite, Roderick James pour Fargo en 1996 et No Country for Old Men en 2007. Roderick James, un gars très talentueux, même si c'est pas une vraie personne. James est celui qui a édité, donc fait le montage de tous les films des frères Coen, a même été nominé comme une des personnes les plus intelligentes d'Hollywood par Entertainment Weekly en 2007. Joel Coen a expliqué que James ne va probablement pas faire d'apparition spéciale aux Oscars de 2008 malgré la nomination. Il a dit, Joel Coen, il est très très vieux, hein, fin des années 80, début 90, donc je pense pas qu'il va pouvoir venir. Mais en fait, c'est les Coens eux-mêmes qui montent leurs propres films en utilisant le nom de Brit comme front, comme parure. James n'a pas gagné pour No Country for Old Men, et lorsqu'on lui a demandé comment il avait géré la défaite, Ethan Coen a répondu « On sait qu'il est vieux et malheureux, donc ça l'a sûrement dérangé. » Mais encore une fois, c'était pas une vraie personne. Et pour terminer la liste des gens qui n'existent pas mais qui ont été nominés pour des Oscars, on parle de Donald Kaufman pour le film Adaptation en 2002. À la fin des années 90, Charlie Kaufman a été engagé pour écrire une adaptation cinématographique du roman de Susan Orlean, The Orchid Thief. Finalement, il y a eu un petit blocage, il y avait de la difficulté à écrire, mais à la place d'arrêter le processus, Kaufman a écrit dans l'histoire qu'il avait de la difficulté à écrire. C'est ce que c'est devenu. C'est une bonne idée, ça. Ben ouais. Donc, il a créé un frère fictif nommé Donald qui l'aidait à écrire le film, mais celui dans le film et celui à l'extérieur du film était aussi là pour l'aider. C'est un fou un peu, Charlie Kaufman, pour ceux qui ont vu quelques biographies de lui, le film avec Jim Carrey. Ouais. Mais bref, le vrai film a été nominé pour meilleure adaptation Et puis le vrai Donald Kaufman, entre guillemets, vrai, lui est tragiquement mort pendant la pré-production du film. Évidemment, il n'est pas mort pour vrai parce que c'est pas une vraie personne. C'est ça. Mais finalement, Donald n'aurait pas à aller chercher son prix de toute façon parce qu'Adaptation a perdu contre The Pianist de Ronald Harwood à ce moment-là. Voilà pour ce premier bloc de son foutu palmarès. Étant donné qu'il y a des gens là-dedans qui ont été nommés et qui ont perdu, on va écouter Lose It de Daniel Duval. Tout de suite à Assemblage Rock. Mars 2018, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ah oui, on va continuer à parler des Oscars dans quelques instants, avec entre autres des gens qui ont perdu leur Oscar. Oh non! Ça arrive, perdre comme ton Oscar. Comme perdu, comme l'égaré. Oui, l'égaré. Comme Pierre Légaré. Pas comme quelqu'un l'égaré, là, mais tu sais, comme l'égaré. Hein? Ouais, comme pas perdu, comme dans ils ont perdu leur prix contre quelqu'un d'autre. Là. Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Ça serait plate, ça, parce qu'il y en a des centaines. Ouais. On va aussi parler des franchises de films qui ont eu le plus de succès, mais avant ça, comme on a entendu une pièce avec des loups tantôt où ça hurlait, on va y entendre l'autre, son pendant, qu'on connaît un petit peu plus. Nourrir les loups de Mardi Noir à Assemblage Rock. We'll be right back. Et nourrir les loups. À Assemblage Ricky. Ah oui, on était dans son foutu palmarès, donc retournons-y. Et on parlait des Oscars aujourd'hui, donc on continue avec des gens qui ont perdu leur Oscar, perdu comme dans Égaré. Mm-hmm. Comme dans Mais il est où, mon Oscar? Tu sais, t'as pas rapport dans ta vie. Voyons, je l'ai mis où? Tu déménages dans le fond d'une boîte avec les Tupperware. Veux-tu bien me dire où c'est? Je suis pas certaine, par exemple, qu'ils ont tous des Tupperware. Non, tu penses pas? Je suis ça comme ça. C'est pourtant super cher. Ouais, c'est... OK, vu comme ça, peut-être. Donc, gagner un Oscar, pour certains, c'est quelque chose que tu vas faire une seule fois dans ta vie, hein? Oui, ben t'sais, oui, certainement. À moins d'être genre Walt Disney qui en a gagné 22. C'est vrai. C'est quand même pas si pire, tu sais, on se compare, on se console, hein, je sais pas trop. C'est ce qu'ils disent. Ça veut rien dire. Mais bon, pour commencer, Angelina Jolie a perdu son Oscar. Oh non! Ouais. Angie. Ben ouais. Après avoir embrassé son frère, hein, comme on a vu à cette cérémonie-là, elle est montée sur la scène, elle a ramassé son Oscar pour meilleure actrice de soutien dans son rôle de Lisa dans Girl Interrupted. Plus tard, elle a présenté le trophée à sa mère, Marceline Bertrand. La statuette a peut-être été mise en boîte et mise ensuite en storage, donc dans une... Comment on appelle ça? Dans ouais, un petit place. Le mot m'échappe, c'est un truc. Dans une pièce à débarras. Ça, là. Avec oui. Le reste des, de tout ce qui appartenait à Marceline Bertrand, lorsqu'elle est morte en 2007, mais on ne l'a toujours pas retrouvée. Ah, OK. Elle dit « Je ne l'ai pas vraiment perdu, mais personne ne sait où il est en ce moment. » Ah, bon, peut-être c'est... que, genre, la guerre des enchères sur genre historien... c'est ça! Ils se battent tout pour l'avoir. Ils vont dire que c'est un faux. Probablement. Tu peux pas faire confiance. Ils vont le faire évaluer, ils vont dire que c'est du plastique. C'est ça! Ensuite, qui d'autre a perdu son Oscar? Whoopi Goldberg, toi! Non! Whoopi! Voyons, non! En 2002, Whoopi a envoyé son Oscar pour sa performance de soutien dans Ghost. Elle a renvoyé ça à l'Académie pour le faire nettoyer. OK. Parce qu'apparemment, tu peux le faire nettoyer, arranger, organiser... J'imagine. Améliorer, ouais. Que voulez-vous. Donc, l'Académie a envoyé l'Oscar à R.S. Owens Company à Chicago, qui est la compagnie qui fabrique les prix. Lorsque c'est revenu, par contre, lorsque c'est arrivé là-bas, le paquet était vide. Le colis était vide. On dirait que quelqu'un avait ouvert le colis de UPS, avait enlevé l'Oscar, et avait tout recellé ça pour l'envoyer jusqu'à Chicago. Plus tard, on l'a trouvé dans une poubelle dans un aéroport d'Ontario, en Californie. Il y a des gens qui sont fâchés, messieurs. Ouais. L'Oscar a été ramené à l'Académie, qui l'a ensuite retourné à Whoopi sans le nettoyer. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Et Oscar, elle a dit, ne quittera plus jamais ma maison. C'est bien, c'est bien. Lave-le donc toi-même. Oui, c'est ça. T'as une brosse à dents. T'as sûrement une pâte à dents aussi. Pâte à dents. Mais oui, tu laves tes bijoux comme ça. T'as raison. Pourquoi pas laver une statuette d'Oscar? Oui, oui. Ouais. Ben, pas sûr, ça décape ça du CLR. Je sais pas. Ben, ça décape la pomme de douche. Ouais, mais ça enlève le calcaire. Pas sûr que c'est tu vrai. Peux enlever ton. À moins que t'as une pomme de douche en or. Peut-être. Ensuite, Olympia Dukakis. Vous connaissez peut-être pas son nom, mais au moins sa face, au pire. Donc, Olympia Dukakis a gagné un Oscar pour Moonstruck et son Oscar a été volé dans sa maison en 1989. Elle a appelé l'Académie pour demander « Est-ce que je peux avoir un remplacement? » Oh mon Dieu! Et ils ont répondu pour 78$ oui. Hein? Et elle a trouvé que c'était un prix tout à fait raisonnable. Pour 78$, ouais, tu peux faire changer ton Oscar. Si t'as déjà gagné un Oscar... Ouais. Tu sais, c'est comme être sa garantie. Ouais, c'est comme okay. Un iPhone, mettons. C'est comme un plat Tupperware. C'est comme un plat Tupperware, remplaçable tout le temps, sauf que les autres, c'est gratuit. Ben. Wow. Ensuite, Marlon Brando. Oui. Marlon Brando a écrit dans son autobiographie, il a écrit « Je sais pas ce qui s'est passé avec mon Oscar qu'on m'a donné pour On the Waterfront. En quelque part, avec le passage du temps, il a l'air d'avoir disparu. Il sait pas non plus ce qui s'est passé au Oscar qu'il a eu. » Lorsque Sachin Littlefeather l'a accepté en son honneur en 1973, il dit que le Motion Picture Academy l'a peut-être envoyé chez lui, mais s'il l'a envoyé, je sais pas où il est rendu maintenant. Donc un Oscar qui avait été accepté par quelqu'un d'autre par son absence, Sachin Littlefeather. Ensuite, Jeff Bridges. On connaît Jeff Bridges pour c'est quoi... La cloche et l'idiot, c'est ça? Oui, mais ça, je pense c'est ça. Ça. Hein, je pense que c'est ça. Bref, il a gagné un Oscar en 2010 pour avoir joué le chanteur country alcoolique Bad Blake dans Crazy Heart. C'est pas le même... C'est-tu lui? Attends, je vais chercher sa face. Jeff Bridges. Je suis pas un grand fan de cinéma, comme vous pouvez le remarquer. C'est pas le même partout. C'est qui est dans La cloche et l'idiot? Eh, mon Dieu! T'as peur? C'est une bonne question, ça. C'est un des films qui m'a... C'est Jeff Daniels. Ah! J'étais proche, quand même. Bref, Jeff Bridges a gagné un Oscar, comme je disais, pour le film Crazy Heart. Mais il avait déjà perdu son Oscar avant la prochaine cérémonie, alors qu'il était nominé pour un autre Oscar. Il a perdu contre Colin Firth dans The King's Speech. Il dit qu'il a fait le tour du pays. Il est allé à quelques endroits depuis l'an dernier, mais je ne l'ai pas vu depuis un bout de temps, mon Oscar. J'espère le retrouver un jour. Surtout maintenant que j'en ai pas un deuxième pour en avoir un, ben espère, ouais, hein? Mais il disait que Colin le méritait. Et il dit, j'espère qu'il va, il va mieux en prendre soin que moi. Justement, parlant de Colin Firth, peut-être que notre ami Jeff Bridges a un sort et ne peut pas gagner contre cet acteur britannique-là. Hein? Firth, apparemment, a laissé son nouveau trophée sur une toilette, sur un réservoir de toilette, le soir où il l'a reçu. Son Oscar. Après une soirée de cocktail et de after parties en 2011, Firth a dû être pourchassé par une personne qui s'occupe de la salle de bain. Tu sais, il y a tout le temps des personnes qui s'occupent de la salle de bain dans ces trucs-là. Bref, qui avait trouvé, lui, cette statuette de 8 livres dans un cubicule de toilette. Et après ça, on dit que... en fait, Firth, plus tard, son représentant a dit que l'histoire est complètement fausse. Mais bon, comment savoir si c'est vrai ou si c'est faux? On le saura pas. On le saura pas. Ensuite, Matt Damon. Vous connaissez Matt Damon et Ben Affleck, qui étaient nouveaux à l'époque de Good Will Hunting en 1998. C'était un de ces moments incroyables des Academy Awards. Mais de nos jours, par contre, Damon n'est plus sûr d'où est rendu son prix. Ah non. Ouais, on sait qu'il s'est rendu jusqu'à son appartement à New York, mais malheureusement, ils ont eu une inondation. Un des sprinklers, des trucs ils disent tout ça. A commencé à couler lorsque sa femme et lui étaient à l'extérieur de la ville et c'est la dernière fois qu'ils ont vu l'Oscar. C'est ce qu'il a dit en 2007. Ils disent tout ça, t'as dit? Ouais. Les gicleurs, qu'on appelle. Ensuite, Margaret O'Brien, en 1945, elle avait 7 ans, Margaret O'Brien, elle a présenté un prix jeunesse, le Juvenile Academy Award, pour enfants actrices de l'année. Environ 10 ans plus tard, les femmes de ménage d'O'Brien ont ramené le prix pour le polir, comme ça avait déjà été fait avant. Mais finalement, les bonnes ne sont jamais revenues au travail. Oh. L'Oscar perdu a été oublié et la mère d'O'Brien est morte peu de temps après. Et lorsque Margaret s'est finalement souvenue d'appeler la bonne, le numéro avait été déconnecté. Et on dit qu'elle a fini par recevoir un remplacement, sûrement à $78 US de la part de l'Académie. Belle fin à cette histoire-là, par contre, en 1995, deux jeunes hommes qui se promenaient dans un marché aux puces sont arrivés sur l'Oscar. Ils l'ont mis aux enchères et c'est là que c'est revenu à l'Académie que le trophée perdu avait refait surface. Les gars qui avaient trouvé l'Oscar donc l'ont retiré des enchères et l'ont présenté en personne à Margaret O'Brien. Ben voyons. Et elle a dit « Je vais jamais demander à personne d'autre de le polir ». Wow. Un peu pareil comme Whoopi Goldberg. Tu fais juste pas nettoyer ça parce que tu sais jamais, tu peux pas faire confiance au monde. C'est ça qui est plate. Mais c'est vrai. Ensuite, Bing Crosby. Donc, pendant plusieurs années, l'Oscar de Bing Crosby pour Going My Way en 1944 était montré à son université, Gonzaga University. En 1972, les étudiants sont entrés dans la bibliothèque de l'école pour trouver que la statuette de 13 pouces a été remplacée avec une figurine de Mickey Mouse de 3 pouces à la place. Une semaine plus tard, le prix a été retrouvé sans problème à la chapelle de l'université. Et puis le voleur anonyme a dit « Je voulais juste faire rire le monde ». C'est ce qu'il a dit au journal de l'université Gonzaga. Et pour terminer cette liste de gens qui ont perdu leur Oscar, donc égaré, c'est Hattie McDaniel qui a gagné pour meilleure actrice de soutien dans le rôle de Mamie dans Gone with the Wind, un des grands classiques du cinéma américain. Elle a donné son Oscar pour meilleure actrice à l'université Howard. Il a été montré dans le complexe des arts modernes pendant... Des beaux-arts, pardon, pas modernes. Il y a une différence, je pense. Ouais, des beaux-arts, bref, pendant un certain moment. Mais on l'a perdu dans les années 60. Personne ne sait comment ou pourquoi ou quand, même, en général. Mais les rumeurs disent que l'Oscar a été dompé dans le Potomac. Potomac est un cours d'eau, je crois. Potomac. Mm-hmm. Un lac, si je me rappelle bien. Un fleuve, je m'excuse. Ah, pardon. Ça change tout, là. C'est comme la différence entre beaux-arts et arts modernes. Oui, c'est ça. Faut faire attention. Bref, ça a été dompé dans le Potomac par les étudiants qui étaient fâchés par les stéréotypes raciaux, comme celui qu'elle montrait dans le film Gone with the Wind, dans le rôle de Mamie, apparemment. Quelques petites ondes racistes là-dedans. Mm-hmm. Voilà pour la liste des gens qui ont perdu leur Oscar. Et on termine aujourd'hui nos listes. On a pas mal, mais bon, on a du temps à perdre aujourd'hui. Avec les franchises de films qui ont fait le plus d'argent de tous les temps. Est-ce que tu veux te risquer à en nommer quelques-unes qui ont fait beaucoup d'argent? Warner Bros. T'as 10 chances. Des franchises de films. Franchises. Ah, franchise. Mais là, Harry Potter. OK, ouais. Star Wars. Hey, attends, là. Mission Impossible. OK, peut-être. Sinon, hey, des franchises de films, The Lord of the Rings. Oui. J'ai dit Harry Potter, Lord of the Rings, Star Wars. T'en as quand même, je dirais 3 sur 4 à date. Ouais, ok. Ouais, c'est pas pire, hein? Mais une franchise, c'est plus que 1 et plus pas que plus que 3. Ah, je pense que ça peut aller à n'importe combien au-dessus de 2. Ouais, ouais. Ok. Je vais dire Fast and Furious. Ok. Oh, c'est bon ça. Ouais. C'est très bon. Ben, t'en as 4 sur 5. Yeah! C'est pas pire, quand même. Donc, les franchises qui ont fait le plus d'argent au monde, évidemment, bon, la sortie de Black Panther, on vient de le dire, ça dévore les box-office en ce moment, ça fait des tonnes d'argent. Ça, je sais pas si l'article est à jour, fait, je vais pas mentionner quels films sont encore au-dessus de ça. On va juste y aller avec les franchises qui ont fait le plus d'argent à travers l'histoire, en commençant par l'univers cinématographique de Marvel, mm-hmm. qui a fait 13 508 505 227 $. Oh, j'aurais dû y passer. Ça compte même pas le popcorn. Non, c'est ça. C'est ça. Tout l'univers, bon, là, évidemment, ça a l'air un petit peu injuste parce qu'en tant que tel, c'est pas une franchise. Non, c'est ça. C'est plein de franchises ensemble. Exactement. C'est jamais le même super-héros. Moi, je suis un petit peu en désaccord. Je suis sceptique. Mais bref, le Marvel Cinematic Universe qui comprend les Avengers, Iron Man, Captain America, Guardians of the Galaxy, officiellement, apparemment, selon Hollywood, c'est une seule franchise. Donc, dur à battre, probablement, de l'histoire. Ce sera probablement pas battable. On parle de 18 films depuis les 10 dernières années, menés par, financièrement parlant, les Avengers, avec 1 519 millions, etc. Ensuite, Avengers Age of Ultron, avec 1 408 millions. Et puis, Captain America Civil War, avec 1 153 millions. Wow! Ensuite, tu l'as dit, en deuxième, c'est Star Wars. Ben oui, c'est sûr, c'est un classique. Avec 8 921 926 millions et plus. Ouf. Ça fait plus de 40 ans que le premier Star Wars est sorti, mm-hmm. et les gens aiment toujours ça. Évidemment, Disney a acheté la franchise en 2012 et ils compensent pour le temps perdu avec plein de nouveaux films, plein de films à part entière, standalone ou peu importe. Ils en ont annoncé un plus récent, un nouveau avec les créateurs de Game of Thrones. Bref, ça pourrait prendre quelques années pour accomplir le numéro 1 de Marvel, mais quand même, au rythme qu'ils en sortent en ce moment, peut-être que ça va bientôt dépasser l'univers Marvel. Le prochain, tu l'as eu aussi, c'est Harry Potter. Woohoo! Avec 8 532 millions et des poussières, hein, le petit garçon sorcier. Là. Depuis 2001, il y a eu 9 films, commençant par Harry Potter and the Sorcerer's Stone, et puis presque tous, dont celui de 2016, Fantastic Beasts and Where to Find Them, ont approché le 1 milliard. C'est Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 de 2011 qui a eu le plus gros profit. Avec donc de l'argent de partout dans le monde qui dépasse le 1 341 millions. Wow. Et il y a plus de deux autres films de Fantastic Beasts qui s'en viennent dans les deux prochaines années et qui font théoriquement partie de la saga de Harry Potter. Donc le box-office va continuer. Ensuite, celui-là, ça m'a surpris que tu l'aies pas tantôt. Ah ouais? James Bond. Ah, mon Dieu! Mais j'aurais tellement dû y penser. Avec le nombre de films qu'il y a eu en plus. Au nombre de films que j'ai écoutés. Ben oui, il y a seulement atteint le top 4. Oh, mon Dieu. Hein? 7 077 millions. La question de qui va jouer le prochain James Bond est une question qu'on se pose à chaque quelques années. Tellement, tout le temps. Depuis des décennies. Daniel Craig, qui joue Bond présentement, est le plus acclamé par la critique et le plus profitable de la série. Ça a commencé donc la série en 1963 avec Dr. No, mais la plus haute position dans la liste de la franchise, c'est grâce à 2012 et Skyfall, qui a fait 1 110 millions autour du monde. Ensuite, poursuivons avec, tu l'as dit tantôt aussi, Le Seigneur des Anneaux. Oui. 5 milliards 895 millions. La saga de Peter Jackson dans la Terre du Milieu. Ça inclut non seulement la trilogie Lord of the Rings, mais évidemment les trois films du Hobbit qui font partie de la même série saga. La première est un petit peu plus acclamée par la critique, hein, mais quand même les deux séries ont contribué à la position de la franchise en position numéro 5. Parmi les 6 films, c'est celui de 2003, The Lord of the Rings, The Return of the King, qui a fait 1 milliard 141 millions. Ensuite, The Hobbit, An Unexpected Journey de 2012, qui a fait 1 milliard 17 millions. Ce sont les deux plus les plus charnus financièrement. On parlait de James Bond. T'as vu les James Bond, j'imagine? Pas tous, là, mais ouais, la plupart. Ben, est-ce que t'as vu différents acteurs jouer James Bond? Oui. Lequel ton préféré? J'aime beaucoup Daniel Craig parce que c'est celui que j'ai vu le plus. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, c'était Pierce Brosnan. Ouais, j'ai vu ça aussi. Les premiers avant, je les ai pas encore. On dirait que j'ai eu la difficulté quand Daniel Craig est arrivé parce qu'il se ressemble tellement pas. Non, c'est vrai. Puis j'ai comme, mon Dieu. Moi, j'aime ça varier un petit peu. C'est pour ça que ça me dérange quand les gens disent qu'on devrait pas changer ça. Ça me titille pareil, là, c'est le même gars. Ah, mais si on change la couleur des cheveux, on peut bien changer sa couleur de peau. Moi, je suis d'accord. Non, ça dépend. À la base, le personnage de James Bond, c'est un Anglais. Ouais. Blanc. Ouais, ouais. Tu sais, ça me dérange pas que tu veuilles mettre quelqu'un de couleur, mais pourquoi est-ce que tu justifierais le changement de personnage? À ce moment-là, c'est plus James Bond. La description du personnage, c'est un Anglais blanc. Ben, il peut être l'agent 007, puis ils ont retiré son chandail. Non. T'as pas le droit d'avoir le même code. Ah, ouais. Ensuite, sur la liste... Tu l'as dit aussi, t'es vraiment bonne, Tania. C'est rapide et dangereux. Ouais! Fast and the Furious avec 5 milliards 139 millions. Très surprenant pour des films qui se répètent pas mal. Hein? C'est pas mal la même chose tout le temps, mais bon. Le premier film de la série, en 2001, The Fast and the Furious, a fait un respectable 206 millions. Pas tant que ça. En 2017, par contre, The Fate of the Furious a fait presque 6 fois ce montant-là, avec un total de 1 milliard 237 millions. Sûr. Ouais, il y en a d'autres, deux autres qui s'en viennent plus tard. Ensuite, tu l'as pas dit celle-là, ça m'a surpris. Ah ouais? X-Men. Ah ouais, mais tu sais, ça rentre pas dans Marvel. Non. C'est pas Marvel, oui. X-Men? Oui, oui. Mais ben voyons donc, toi. Oui, mais selon Hollywood, c'est traité comme une entité à part entière. Ah! Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'argent, genre. Peut-être, fait que tu peux les mettre à part. Puis ils en ont comme 42 films. Ça fait 5 milliards. 16 millions. Ouh. Donc oui, tu l'as dit, les X-Men sont une création de Marvel, mais c'est traité comme leur propre entité mutante dans le monde du box-office hollywoodien. C'est impressionnant quand même parce qu'on parle de 10 films qui ont généré assez d'argent pour compétitionner contre tout le reste de la série Marvel. C'est quand même fort. Wow. En 2017, Logan a fait un impressionnant 615 millions de dollars au box-office et a réussi à être donc un film basé sur des bandes dessinées, à avoir une nomination aux Oscars pour son script. Mm-hmm. Et puis Deadpool avec Ryan Reynolds mène la série en termes de dollars au box-office avec 801 millions de dollars pour le premier film. Étant donné l'excitation par rapport à la suite, on pourrait s'attendre à ce que ça monte encore plus. Ensuite, toujours dans la liste des films, des franchises de films en fait qui ont fait le plus d'argent à travers l'histoire au grand complet. Et t'as vu qu'à travers l'histoire, les films qui ont fait le plus d'argent, c'est des très récents quand même. Oui, quand même, jusqu'à présent, ouais. Parce que les billets sont plus chers, peut-être. La production est plus chère, donc elle doit charger plus cher, je sais pas. Continuons avec Spider-Man, qui a fait 4 milliards 858 millions. Spider-Man de Sam Raimi, en 2002, a démarré la nouvelle ère de ses films de Spider-Man, avec un mélange d'action, d'humour et un petit peu de kitsch. Son dernier film pour la série Spider-Man 3 a fait le plus d'argent du groupe, avec un total de 894 millions. Deux reboots plus tard, hein, parce qu'on reboot sans cesse Spider-Man. Ben oui. Les gens ont pas l'air de cette année, fait que pourquoi arrêter, hein? Spider-Man Homecoming en 2017 a quand même fait 880 millions et une suite est prévue pour 2019. Ensuite, un autre que je me serais attendu à ce que tu nommes, Batman. Ouais. Ah, ouais, ben oui. Tellement, encore une fois, de reboot de ça. J'ai vraiment pas pensé aux super-héros du tout, non, hein, en fait, ça. En amant tout ça. Batman, c'est quoi? C'est DC? C'est DC Comics, ouais. Oui. Donc, 4 milliards 572 millions Et là, évidemment, c'est un quart de siècle de films de Batman. On retourne à Tim Burton, à Michael Keaton en 89. Et puis le moins mémorable, Val Kilmer, George Clooney, qui a déjà joué Batman. Oui, oui, oui. Moi, Georgie, ça a été mon favori, Batman. Pour vrai? Ouais. On le voit à peine. Il y a juste Forever in my heart. mais la vraie, l'argent en tant que tel est venu plus des reboots de Christopher Nolan. Ah ouais? The Dark Knight Rises en 2012 a fait 1,84 milliard tout seul. Ouais, moi, pas pogné sur Christopher Nolan. C'est le quart de l'argent. Le quart. Ouais, hein, félicitations. Et Batman vs Superman Dawn of Justice en 2016 fait officiellement partie de la franchise. Ça ne dit pas son total, mais quand même, ça fait partie des films de Batman. Selon Hollywood, bien sûr. Et pour terminer, celui-là, je comprends que tu ne l'aies pas nommé, mais il a quand même fait beaucoup d'argent, très populaire. On parle du Pirate des Caraïbes. Ah ouais, c'est, tu veux savoir pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi? J'ai zéro pogné ces Pirates des Caraïbes. J'en ai vu peut-être un. Ouais. Puis la moitié d'un autre. C'est déguisé en pirate à un moment donné, fait que t'aimes les pirates quand même. Je me suis déguisée en liseuse de Bonaventure, chose qui est très différente. Ah oui? Mais je sais pas pourquoi j'ai eu de la difficulté à rentrer dans Pirates des Caraïbes. Je pense que c'est le fait que c'est Johnny Depp qui joue un pirate. Puis dans ma tête, je vois juste le gars qui jouait le film dans une cabane, là. L'écrivain qui est pris dans une cabane puis qui passe vraiment des mauvais moments. Non. J'ai de la difficulté à m'associer à un personnage de Johnny Depp parce que je sais beaucoup trop qui est Johnny Depp, on dirait. Ouais. Fait que non, j'ai pas tout embarqué dans Pirates des Caraïbes. Donc t'as pas dépensé un de ces 4 milliards 505 millions? Non. De là. Johnny Depp, donc, on dit que c'est une des seules fois où Johnny Depp a accepté de faire un film commercial. Bon, tu l'as dit, il fait des films plus d'auteur, des films de répertoire. Mais pendant 15 ans environ, entre 2003 et 2017, la série de pirates a réussi à faire plus de 4,5 milliards de dollars en billets. Même son plus récent film en 2017, Dead Men Tell No Tales, était un des moins impressionnants. Avec quand même très impressionnant, je trouve, 794 millions. Mais pour la série, c'est moins... que d'autres. Bon. Le film, c'est Secret Window. Ah. Celui que je parlais, là, où justement, c'est un peu un trailer horreur. Ça a été tourné au Québec. Ah. Puis moi, c'est un des premiers films de Johnny Depp que j'ai vu. Puis après ça, j'ai vu Johnny Depp dans d'autres films et j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à le voir de façon très humoristique. Mm-hmm. Après avoir vu ce film-là, on dirait que ça m'a tellement chamboulé que je suis plus capable de le voir. Secret Window. Oui, Secret Window, ou en français, Fenêtre secrète. Là. Ah, ça a été tourné au lac Sakakomi, en fait, ce film-là. Ouais. Veux-tu savoir combien ça a fait au box-office? Vas-y. 92,9 millions. Ah. Sur un budget de 40 millions. Fait qu'ils sont rentrés dans leur argent. Ah, hein. C'est ça. Ça date de 2004, Secret Window. Johnny Depp, merci Tania. Ça fait plaisir. Voilà pour cette deuxième partie de Son foutu palmarès. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. J'ai plus rien sur le cinéma, fait que ça va aller. Par contre, étant donné qu'on a parlé de Los Angeles et de Hollywood et leur drôle de façon de répertorier ces budgets-là, on va écouter Los Angeles de Saint Vincent à Assemblage Requis. The waves, they never break. They build and build. Saint Vincent avec Los Ageless. À son âge requis, on prend une pause. Au retour, on va parler de plein air avec Antoine Ricard. Son âge requis aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Exactement d'assemblage requis en ce lundi 5 mars 2018 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ok, oui. On a Antoine Ricard qui est avec nous en studio. Oui. J'ai appris la semaine passée, grâce à David Ferron, que tu as un deuxième nom de famille. Oui, mais Antoine Lapointe Ricard. Lapointe Ricard. Lapointe Ricard. Est-ce qu'on t'appelle Lapointe Ricard ou Ricard? J'ai toujours signé Lapointe Ricard. Parce qu'on dirait un lac, tu sais, m'en vais au lac Lapointe Ricard. Je me suis toujours senti mal de pas utiliser le nom de ma mère. Ouais. Je sais pas pour. Ben moi, je suis même famille, un peu aussi. Je me suis dit, pourquoi c'est mon père qui a tout le mérite dans cette affaire-là? C'est quoi le nom de ta mère déjà? Je m'excuse, père. La Fleur. La Fleur, moi, c'est Tousignan. Ouais. Tousignan. Ben, je sais pas, depuis ma tendre enfance, ça a toujours été Antoine Lapointe Ricard, puis j'ai toujours ressenti un malaise. Sur Facebook, par contre, on m'a trouvé comme Antoine Ricard. C'est ça, sur Facebook. Moi, je le connais de Facebook en premier. Mais moi, sur mon baptistère, il y a juste Baudin, là. En fait, ma mère, si elle avait pu, elle aurait pris le nom de mon père. Mais ça se faisait plus, ça, dans le temps où ils se sont mariés. Mais il fut un temps où, fin secondaire, début cégep, je signais Tania Baudin Lafleur. Tania Lafleur Baudin. Ah ouais. Je pense qu'un jour, par contre, on n'aura pas le choix d'assumer. Tu sais, si je me fais une copine, puis tombe enceinte. Tombe enceinte, ça va être bizarre. C'est ça. Ben non, mais c'est une affaire de couple, là. Ça a l'air qu'ils tombent enceinte à deux. C'est ça, écoute. Moi, c'est une faible chose avec ma copine. C'est ça. Bref, aujourd'hui, dans ta chronique plein air, contrairement à la semaine passée où on savait vraiment où tu t'en allais, là, cette semaine, tu fais comme les autres chroniqueurs de l'émission. On sait pas où tu t'en vas. Est-ce que tu t'en vas nous amener au lac La Pointe Ricard? Je sais pas. Non, malheureusement, on n'ira pas faire un tour au lac La Pointe Ricard aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je voulais parler d'un individu, en fait, que j'ai rencontré au Café Chasse-Galerie. Oui. Puis, parle-parle, puis quand ça me contait un petit peu ses projets, puis qu'est-ce qu'il a réalisé. Puis je me rends compte que, dans le fond, en étant étudiant à l'université, en plus de ça, il a fondé sa propre compagnie avec ses chums, propre compagnie qui est à Repentigny. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du centre La Débarque, centre d'escalade La Débarque. Le nom dit quelque chose, mais ça en plus. Disons que pour la région de Lanaudière, ça représenterait le campus escalade, mais de Repentigny. Ah, voilà. Fait que c'est ça, en fait. Il vient à l'université ici? Exactement, il vient à l'université ici en même temps. Oui, c'est ça. Mais je trouvais ça quand même pertinent de présenter le personnage, puisque c'est un étudiant en baccalauréat en kinésiologie. Puis, en même temps, c'est un entrepreneur qui a parti son propre branding, parce qu'à travers, disons, le centre d'escalade, c'est quand même un branding qu'ils ont créé, lui et ses chums. Fait que non, c'est ça, la chronique cette semaine, très, très axée sur l'individu, sur le projet en soi, puis le mélange des deux aussi, c'est comment il fait pour joindre l'utile, l'agréable, puis à travers ça, dans le fond, je parle un petit peu de sa vie, parce qu'il faut savoir que Pierre-Olivier Bourdon, je ne l'ai pas encore mentionné, Pierre-Olivier Bourdon, qui est notre étudiant en question. Juste savoir lui s'il y a un deuxième nom de famille, parce que pour aller avec Bourdon, c'est pas toi qui va aller avec ça. L'abeille. C'est ça. Pierre-Olivier Bourdon, l'abeille, ben écoute. C'est ça. Oui. On s'excuse, je m'excuse. Comment on l'appelle? Elle était pas là. Non. Mais c'est ça, à la base, il a commencé, faut savoir qu'il a 29 ans quand même, donc il a un certain bagage d'expérience, puis il a commencé comme guide d'aventure, en fait, il a fait sa technique en Gaspésie, puis c'est des trips qu'il a fait en Californie, qui a été aux îles de la Madeleine, puis des expéditions de kayak, des expéditions de chien de traîneau. On a fait le tour, là. Ben, il est quand même touché à pas mal toutes les sphères de ce que le guide d'aventure pourrait toucher, disons. Fait que, non, c'est ça. Puis je trouvais ça intéressant quand même de comment est-ce qu'un gars qui part de ça peut se retrouver sur les bancs d'école, à l'université, après ça, créer sa propre entreprise, tout ça. Puis c'est intéressant. L'entreprise doit continuer de rouler pendant qu'il est aux études ici. Ben oui, malheureusement. Malheureusement, en fait, ou heureusement, oui. Ouais, ça se fait seul, heureusement. Ben, c'est quatre gars à la base, puis comme il me comptait, comme vous allez le lire dans l'article. Dans le zone campus. Dans le zone campus, c'est autour d'une bière. On te prend une petite bière à Montréal, puis tu sais, un peu comme tout le monde fait. C'est tout le temps de même, hein? Tout le temps autour d'un verre. On a tout eu, disons, la passe de « Hey, j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat. » Mon Dieu, J'ai envie de créer ma propre compagnie, j'ai envie d'être mon propre patron, puis c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, les boys se sont juste dit « on a envie d'être nos propres patrons, on est autonome au niveau de nos aptitudes, au niveau de nos compétences, parce qu'on en a un qui est en informatique, l'autre qui est comptable, un qui est charpentier-menuisier, donc habile de ses mains. » on a Pierre-Olivier qui, étudie en kinésiologie. Kinésiologie va probablement le mener à œuvrer dans sa propre entreprise. Oui, finalement, c'est ça, exactement. Disons, partir son propre bureau de kinésiologue au sein de La Débarque. Fait que c'est ça. Ils sont juste dit à un moment donné, hey, pourquoi est-ce qu'on partirait pas de quoi ensemble? Là, finalement, parle-parle, jase, une bière, deux bières, trois gorgées, quatre gorgées. Ouais, c'est ça. Une douzaine, deux douzaines. C'est ça, deux douzaines. Puis ça. C'est fun d'avoir quatre gars qui ont déjà des tendances différentes, parce que c'est comme dans un band si tout le monde joue de la batterie. Mais c'est exact. ça se complète de façon assez agréable. C'est de la polyvalence, veux pas, à un moment donné. Mais veux pas, lui-même m'a confié que toucher un peu à tout. C'est sûr que le comptable fait la comptabilité. L'informaticien fait l'informatique, évidemment. Mais reste quand même que toutes les tâches connexes, c'est vraiment un melting pot de l'ensemble des cofondateurs, copropriétaires. C'est trois amis d'enfance, dans le fond? Amis d'enfance. Okay. Puis on a le frère de M. Bourdon également, Jean-Sébastien Bourdon, qui est dans le projet. Fait que c'est ça, c'est quatre gars qui se partent en business, tout ça. Fait que je trouvais ça intéressant de me dire, on a le personnage en soi, bon vivant, super sympathique. Quand ça me comptait ça, je fais ça dans ma vie. Puis après ça, ça mène quand même un beau cheminement, parce que lui me disait, écoute, je finis mon bac, Puis après ça, il y a des fortes chances que j'aille en maîtrise. Mm-hmm. Pourquoi la maîtrise? Ben lui, il dit, j'ai remarqué que dans pas mal tous les domaines du sport, on retrouve des entraîneurs qui sont qualifiés, qui sont compétents. Mais en escalade, c'est pas le cas. Ouais, on ne retrouve pas d'individus vraiment formés, attitrés comme entraîneur de grimpe. Donc lui, il s'est dit, moi, ce que je voudrais au final, c'est vraiment partir ça. Okay. Et puis ça serait son sujet de maîtrise au final. Fait que c'est vraiment conjoint. À l'UQTR. À l'UQTR, oui. Pourquoi à Trois-Rivières? Ça coûte moins cher. Ah, c'est ça. J'ai des fortes tendances à penser que ça doit être ça. Ouais. C'est un gars de Repentigny à la base, puis en fait, c'est... Trois-Rivières, Repentigny, ça se fait bien, donc probablement qu'il a préféré venir ici que de se taper le trafic de Montréal. Je dois être honnête, je suis natif de Repentigny aussi. C'est et ça. Je connais quand même les raisons principales qui pousseraient, mettons, un individu à venir à ton portefeuille, à c'est clairement ça. Moi, ça m'a attiré. Je peux pas dire que j'ai pas pensé à Québec, à Sherbrooke, à tout ça. Mais reste quand même que, bon, des fois, c'est le déménagement, des fois, ça va être l'argent. C'est un bon compromis. Je suis revenu de Montréal pour le portefeuille, je pense. Je pense qu'on est tous un peu de même. J'ose même pas imaginer les appartements. Ouais, c'est non, c'est. Trois-Rivières, Montréal, c'est deux choses totalement différentes, c'est deux mondes. Tout à fait, t'as raison là-dessus. T'es allé à la Lebarque toi-même, est-ce que t'as fait de l'escalade? Oui. C'est un centre qui est trippant. C'est sûr que, disons, pour les personnes qui n'ont pas encore été et qui pensent y aller, ne soyez pas surpris, c'est un petit peu plus restreint, c'est un petit peu plus petit que le campus. Si on devait faire un comparatif pour que les gens puissent se donner une idée exactement. Par contre, non, c'est trippant. Les boys changent à chaque semaine, chaque deux semaines, des lignes de montée. Ça permet de varier un peu, disons, la dynamique. Puis, c'est grâce au gars qui est ébéniste, qui fait des trucs de bois. Non, je pense. Parce que dans le fond, faut savoir que... Je connais rien. Non, il y a des formations qui se donnent. Il y a des formations qui se donnent, même pour les propriétaires, sur comment monter un mur d'escalade, comment attitrer, en fait, un niveau de difficulté à un mur d'escalade. Fait que moi, si j'arrive, je peux pas dire ça c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3 en fonction de ma difficulté à moi. Non, il y a vraiment des critères précis, des standards exactement à respecter. Puis c'est ça, les boys, en fond, ont suivi l'ensemble de ces formations-là. Puis non, d'après moi, ça doit être un échange, disons, chaque semaine. OK, là, les boys, moi, je vais prendre ça. Mais non, je pense que... J'ai dit, je suis reparti menuisier, mais même, je pense à ça. Il me semble qu'il m'a dit qu'il était monteur d'acier. Non. Il a été monteur d'acier. Okay. Et désormais, il est charpenté menuisier. Excusez-moi pour. Mais c'est probablement lui qui a monté les mots. Mais il y a des bonnes chances que, puisqu'il était à l'aise de ses mains, il était attitré à ça. Ouais. Et c'est spécialisé dans seulement l'escalade. Il n'y a pas d'autres trucs connexes à ça ou. Non, mais c'est ça, lui me disait. Il y a la décalage, j'ai entendu dire. Là? La décalade, c'est la fois que tu descends. En rappel? En descendant, Je suis pas au courant. Non, mais faut savoir quand même que c'est un centre de bloc. Okay. Centre de bloc, c'est 5 mètres maximum avec des gros coussins en dessous. Mm-hmm. Donc si tu tombes, pas de risque de se blesser, ça absorbe les chocs, c'est super correct. Mais non, c'est ça, il n'y a pas de corde, il n'y a pas d'instrument autre que tes mains, tes pieds. OK, il n'y a pas de corde du tout. Non, campus escalade, il y a des cordes, je me souviens bien. Campus escalade, c'est vraiment un centre de bloc. C'est, mettons qu'on irait à Montréal, ça représenterait... j'essaie de penser, j'ai un blanc sur le nom de... Mais c'est vraiment... C'est que si tu tombes, tu ne fais pas tant mal parce que c'est pas ton... Exactement, exact. C'est pas assez haut. Ouais. Tu peux te faire mal pareil. Mais... Oui, mais oui. Mike Han, vous connaissez tous Mike Han. Oui. Mike Han, vous allez là, vous allez avoir des murs d'escalade avec des cordes parce que, la hauteur n'est pas standard c'est à un centre de bloc conventionnel. Mais non, fait que c'est ça. Est-ce qu'on sait pourquoi l'escalade? C'était des gars qui trippaient sur l'escalade? À la base, non et oui, en fait. Okay. Ils ont vu un marché potentiel. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, les boys, c'est là qu'il faut pousser on aille. On oublie le hockey. C'est là que ça se passe. Comme il me disait, c'était pas tant une passion que juste, disons, un intérêt. OK. Il en avait déjà fait, en fait, Simon Charbonneau, qui est un de ses bons amis. Il en avait déjà fait ensemble. Puis finalement, Pierre-Louis est parti pendant un certain temps. Disons, il pouvait plus se consacrer à cette activité-là. Simon, lui, bon, a continué, il a commencé à grimper, puis comme Pierre-Louis me disait, il est devenu bon, il est devenu très, très bon, même qu'à un moment donné, l'élève a dépassé le maître. Puis c'est ça, ils se sont dit, Colin, on n'a pas de centre d'escalade à la Nadière. C'est ça, les hommes d'affaires. À Repentigny, mais at large, l'Assomption, Terrebonne, Joliette, il n'y a pas de centre d'escalade. Puis lui me disait, nous, ce qu'on voulait, c'était de créer un environnement le fun. Mm-hmm. Dans le fond, où les petits, les grands vont se présenter, que ça soit... Il y a un centre de il y a deux centres de CrossFit, un centre de CrossFit à Repentigny. On a 4 gyms, 5 gyms à Repentigny, mais c'est pas le fun aller non, là. C'est ça, exactement. Tu vas souffrir là-bas. Tandis que quand tu rentres dans un centre d'escalade de grimpe, tu vas là pour triper. Tu ressors là avec un sourire bien souvent. Oui, t'as mal aux bras, t'as mal aux jambes, t'as mal partout, mais tu le sais que t'as eu du fun, t'as trippé, t'étais dans les airs. Puis, c'est comme un 40 jours, mais pour adultes. Ben oui, puis c'est ça. Dans le fond, lui, dans le fond, son but, c'est d'aller chercher aussi les écoles. Mm-hmm. Ben oui. Mettons, faire des sorties éducatives, puis on s'en va tous à des barques. Fait que non, ça a été pensé quand même dans cette optique-là de pouvoir convenir autant pour les grands, les petits, puis... Oui, parce qu'on s'entend, ça joue quand même la coordination, ça joue la exact. Stratégie aussi. Fait que pour les jeunes, moi, je me rappelle, on avait été à un centre d'escalade quand on était jeunes au primaire, puis c'était une des activités les plus marquantes, on s'en souvenait. Les plus appréciées. Ben, c'est ça, beaucoup plus que d'aller s'asseoir dans un centre de cinéma. Mais quand t'es dans les airs, que t'es à 5 mètres, on n'est pas habitué. Hein? Mais t'es à 5 mètres, hein, on regarde en bas, OK, c'est haut un peu, mais là, est-ce que je me laisse tomber, est-ce que je me laisse pas tomber? C'est ça. Tu décides de te laisser tomber, puis tu te rends compte que finalement, les coussins de un pied et demi, ça absorbe. Là, faut que tu te rappelles qu'il n'y a pas ça dans la vraie vie quand tu vas faire l'escalade. Ouais, c'est ça, attention. Attention un peu. Ça a beau s'appeler la débarque, là, mais ça veut pas dire qu'on encourage ça. Ouais, c'est ça, faut éviter de débarquer au mauvais moment. J'ai une raison pour le nom, la débarque, parce que c'est quand même drôle. C'est vrai. C'est comme une piste de course automobile qui s'appellerait genre, je sais pas, la dérape. J'avais un mot en tête moi aussi, mais... L'accident, en tout cas, peu importe. Les tonneaux, mettons, le tonneau. Ouais, c'est ça! Bref. Non, mais j'ai pas demandé. Puis je t'avouerais que là, tu me fais penser à ça, puis je me dis, Colin, c'est vrai. Hein, c'est un complément d'information. C'est un peu comme, pas l'acropole des draveurs, mais tu sais, la rivière du diable ou de quoi de ouais. Même. Ouais. Hein, ça donne pas envie d'aller la mais chevaucher. Ça, si je me souviens bien, c'est basé sur des légendes. Ah, ça se peut, ouais. Mais non de même. Ah, on s'avance sur des terrains. Je m'aventurerai pas là-dedans. J'ai pas été étudiante en histoire, là, mais il me semble que c'est tout basé sur des légendes. Hein. Mais ça aurait plus à l'eau quand même. Là, parce que j'imagine que chaque nom de rivière tient son nom de quelque part. C'est ça, ouais. Je regardais ça, puis sur le blog du zonecampus.ca, il y a seulement ton article sur le cinéma à Banff, dont on a parlé il y a quelques semaines ensemble. Oui, exact. Mais t'écris quand même, maintenant que t'es rendu dans l'équipe du zonecampus, tu vas écrire un article aux deux semaines. Exactement, c'est ça. Un qui va sortir en version papier, l'autre non, mais tu vas faire les deux à la radio. Exact. C'est ça. Mais en fait, la chronique que j'écris aux Zones Campus va être autant diffusée sur le blog que sur papier, version papier. Oui, exact. Là, à partir de là, on ne m'avait pas encore demandé d'écrire mm-hmm. deux chroniques, l'un papier, l'autre non, blog. Non, pas encore, OK. Non, pas encore. Donc, peut-être que là, tu me l'apprends. Puis, je pense que tout le monde fait ça, mais peut-être que non. J'ai aucune idée. On ne l'avait pas mentionné, mais c'est pas grave parce qu'au final, je vais me retrouser les manches. Puis je vais. Ce qui est important. Mathieu dit peut-être n'importe quoi aussi, tu sais. Oh, non. Il n'est pas rédacteur en chef. Mathieu semble très bien savoir où il s'en va. Oui. Mais ce qui est important, c'est pas le journal, c'est la radio pour nous. Hein? Ben, je t'avouerais que j'ai plus de fun à m'asseoir 20 minutes avec vous que 4 heures devant mon écran tout seul. Bon, on va passer le message. Oups, ouais, il y a des gens qui m'écoutent en ce moment. C'est ça. Mais sur quoi est-ce que tu travailles pour les prochaines chroniques? C'est une très bonne question. Ah, je te prends au dépourvu. Là, tu me prends au dépourvu, mais non, je t'avouerais que ça vient toujours. C'est une question de feeling. Ouais. C'est une question d'intérêt, une question de passion aussi. J'ouvre mon ordi, commence à regarder un peu, puis je me trouve... je dirais pas une destination, mais j'essaie de me motiver à sortir un petit peu de la zone de confort que j'ai, puis après ça, j'écris en fonction de ça. Faut dire que la première que j'ai écrit, Festival de Banff, je me suis donné un petit coup de pied dans le... puis c'est ça, je suis parti à Salle Jean-Antoine-Thompson, puis je suis sorti de là, j'ai trippé. Au même titre que quand j'ai rencontré monsieur Bourdon, j'ai trippé à entendre son histoire, puis me dire, Krim, c'est cool de me dire, il y a du monde qui réussisse à joindre leur passion, disons, l'escalade, l'entrepreneuriat, tout ça. Puis, disons, quelque chose d'un petit peu plus formel, donc la kinésiologie. Fait que pour l'avenir, honnêtement, je ne le sais pas encore. C'est vraiment une question de feeling. Aussitôt que je vais avoir trouvé, tu vas le savoir. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans la vie? Tu sais, tu dis que tu veux sortir de ta zone de confort. Là. C'est quoi ta zone de confort? Le plein air, c'est ta zone de confort. Non, le plein air, je t'avouerais que c'est pas une zone de... C'est une zone que j'apprécie beaucoup, okay. Mais c'est pas une zone que je côtoie régulièrement. Okay. Malheureusement, faut savoir, chers téléspectateurs, que je n'ai pas de voiture. Ce qui, malheureusement, dans un cadre de plein air, ne concorde pas habituellement. Ouais, c'est beaucoup, super, hein? Beaucoup plus difficile de se rendre à la montagne à pied. Parce sûr. Qu'en Mauricie, on le sait en plus que notre environnement n'est pas montagneux. Non, hein, ben voyons. Les centres commerciaux, des fois, ils ont des grosses choses. Ah, c'est ça. Ils vont aller monter la côte des Récollets, là, puis... C'est ça. Deux, trois fois, tu vas te mettre en forme. Fait que non, c'est ça, ben, non, c'est... Ma zone de confort, au final, c'est de sortir de mon quotidien, parce que j'ai la fâcheuse tendance à rester cloîtré un peu dans ta bulle. Ben dans ma bulle, dans mon appartement, dans ma petite ville. Puis j'adore Trois-Rivières, mais veux pas, c'est pas là que ça se passe si on veut vraiment triper, si on veut avoir des rushs d'adrénaline. Là. On va envoyer le message au maire. Hein? Tu mets le maire à dos, tu mets le zone campus à dos. De créer une montagne. Ouais, c'est ça. D'entretenir la montagne des rivières. Il y en a une montagne à côté du Home Depot, mais pas là toute la nuit. Il faut que tu fasses attention. Il y en a une ensemble, je pense. C'est ça, exactement. Si tu la montes, ça se fait que tu tombes. Avec les pyramides, là, Exactement. Donc, on va te retrouver dans la prochaine fois, dans deux semaines. Est-ce qu'on se retrouve dans deux semaines quand même? On se parle pas, hein, on s'appelle. On va se retrouver dans deux semaines. C'est moi, c'est écrit dans mon agenda. Il me donne rendez-vous, genre, viens me voir pour qu'on jase, puis je viens pas. Ah, ouais. Je suis pas sale. Puis moi, te l'ai tapé, là. Ah, c'est ça. Je connais. Mais on t'apprécie, oui, enfin. Merci. Puis moi aussi, je vous apprécie beaucoup. Merci aussi. On se retrouve donc dans deux semaines. Antoine Lapointe Ricard du Célèbre Lac. Dans deux semaines, les lundis aux deux semaines à partir de 8h. C'est bien ça. Merci, Antoine. Merci à vous. Amusez-vous bien. Bonne journée à tous. Aussi. On écoute The Rubens. Voici Cut Me Loose tout de suite à Assemblage Rock. J'aime bien ça. If you cut me loose, yeah, cut me loose, yeah, cut me loose. Left my problems on the shelf, problems from somebody else. I brought them out for you to see, made them about you. Thank you. Drug Train avec Donnant Assemblage. Ok, on prend une petite pause tout de suite et après ça, Tania va nous divertir. De quoi tu nous parles tantôt? Eh bien, cette fin de semaine, du côté du centre-ville, Mathieu, c'était la dernière fin de semaine des Nuits polaires. Je reviens un petit peu sur cette soirée très, comment je pourrais la qualifier, très enlevante ah oui. qu'on a eue. Ouais, pas trop froide? Pas trop froide. Il faisait chaud dans la place même. Oh, je vais t'expliquer pourquoi tantôt. On en parle au retour. Assemblage pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage pour toi aujourd'hui. Ten years since, decade was a dream. Nothing was everything. On my way, the yesterday was ours. Tell me, would you stay the same? 10-year joyride taking us away. Those sacred days, but you know that things can change. Things can change. Puffed up nosedive, stick around, we may. Wasted days, cause we know how soon things change. And I'll just slip away. Oh. miles away. Those sacred days, but you know that things can change. Things can change. Puffed up nose dive, stick around, we may. These wasted days, cause we know how soon things change. And all just slip away. Musty at the Base avec la pièce Things Change. Assemblage Rocky, maintenant il y a des choses qui changent, mais elle, elle ne change pas, elle est toujours aussi fiable. C'est Talia is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna dream. La voix commence à revenir. Ça va ton œil? J'en ai aucune idée. Écoute, je suis en train de me gratter puis j'ai comme quelque chose de pris dans l'œil, mais bon, c'est pas grave, hein? On va passer à un autre appel. Une chance qu'on a un gros bloc musical à entendre. Exactement. Parce qu'on parle des nuits polaires en fin de semaine. Tout à fait, parce que c'était la dernière fin de semaine où vous pouviez vous déplacer de façon totalement gratuite pour, disons-le, triper, en fait, avec deux artistes et un band hip-hop québécois. Et je m'attendais pas à une soirée comme celle-là, Mathieu. Je dois t'avouer que j'étais un petit peu sceptique, non pas envers la qualité du spectacle, mais plutôt envers le public. Parce qu'il faut que je m'explique, Larry Kidd, Zach Zoya et À la claire ensemble, c'est quand même du rap québécois, du hip-hop québécois qui est bien défini. Ouais. C'est-à-dire qu'on les entend pas nécessairement sur toutes les stations communautaires, sur toutes les stations commerciales. C'est underground. C'est underground. Si on les entend, ça va être sûrement beaucoup plus sur Internet que ça va être à la radio. Alors, mesdames et messieurs, tout le monde qui se promène au centre-ville de Trois-Rivières sans nécessairement connaître qui est Larry Kidd, est-ce qu'on va vraiment arrêter pour admirer pendant un bon moment le spectacle qu'il est capable de nous donner? Eh bien, oui. Oui. C'est ça qui a été impressionnant cette fin de semaine. J'étais là, je donnais de mon temps du côté des nuits polaires et ça a été plein à craquer, en fait. J'ai été vraiment surprise. Au départ, c'est sûr et certain que le spectacle a commencé vers 7h15. Donc, les restaurants étaient encore bondés. Il n'y avait pas nécessairement beaucoup de gens dans la rue. Mais du moment que le spectacle a commencé, vraiment, on a pu voir les gens sortir des restaurants, rester pendant vraiment très longtemps. Et c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait des gens de tous les âges. On parle vraiment d'enfants qui étaient accompagnés de leurs parents, bien évidemment. On parle d'adolescents, on parle de jeunes adultes. Salutations au directeur général qui était là avec sa gang d'amis. Mais aussi des personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui sortaient du restaurant, qui se demandaient qu'est-ce qui se passait. On posait quelques questions à quelques personnes dans la foule à se demander quel était le spectacle. Et on a resté pendant un bon moment aussi de la part de ces gens-là. Et c'est ça qui a été plaisant. On avait bien évidemment la température de notre côté pour que ce soit un bon spectacle. C'est-à-dire que c'était pas trop froid, il a pas mouillé. Donc, automatiquement, les gens se sentaient quand même à l'aise de rester peut-être un petit peu plus longtemps que ce qu'il aurait habituellement resté. C'est la deuxième semaine qui avait été un petit peu plus froide. Hein, exactement. Un petit peu plus platounette, disons ça comme ça. Mais cette fin de semaine, on a vraiment eu le droit là, à une équation qui était quasi parfaite pour un spectacle qui a fait en sorte que le centre-ville de Trois-Rivières s'est transformé en une espèce de plateforme du hip-hop québécois qui était quand même assez remarquable. C'est à quel endroit? C'est au parc Champlain ou Bado? Non, c'est directement sur la rue des Forges. Okay. Donc, on a bloqué, en fait, la rue des Forges où est le Moose et le Grill. La scène était directement là. Donc, on est vraiment, les gens qui sont dans les restaurants pouvaient quand même apprécier la musique qui était okay. là. Les gens qui restent aussi dans les appartements un petit peu plus haut des restaurants ont aussi apprécié le spectacle. ça vient dans le bail, ça, en passant. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez vraiment la place de choix pour ça. Et je me suis dit, pourquoi pas revenir un petit peu sur cette fin de semaine-là, parce que ce sont justement, comme on le disait, des artistes qui sont quand même assez underground. Larry Kidd, pour commencer avec lui, par exemple, c'est un des deux gars qui a fait Loud Larry Adjust. Ouais. C'est un groupe, en fait, c'est deux gars. Il y a Loud, puis il y a Larry, vous l'aurez deviné. Et ils ont décidé de faire quand même deux projets solo. Donc, Loud a quand même un album. Larry a sorti son premier album, Control V2. Vendredi passé, donc samedi, c'était un petit peu en plus un engouement rodage, hein? Incroyable pour lui. Écoute, il s'est mis en bedaine sur stage, il a fait vraiment vibrer la scène. Les gens lui demandaient d'enlever son chandail, la foule était vraiment là pour lui. C'était le fun à voir. C'est le fun aussi avoir des gens, comme je le disais, qu'on croyait pas nécessairement qu'ils allaient peut-être triper autant danser sur du Larry Kidd. Moi, je suis restée surprise. Je sais pas si c'est juste moi qui s'attendais à ce que les gens réagissent d'une façon différente, mais ça a été surprenant, ça a été plaisant. Et bien évidemment, ça a fait en sorte que la soirée s'est très bien cété. Donc, Larry Kidd a passé deuxième. Moi, aujourd'hui, je vous en parle en premier parce que vous allez voir la raison du pourquoi. Mais il a donné vraiment une prestation assez incroyable. Il a remercié, bien évidemment, Trois-Rivières du fond du cœur. Et je pense que les artistes ont apprécié les gens qui étaient dans la foule. On a trippé, on a fait en sorte que... souvent, on se dit que c'est un petit peu plus difficile du côté de la musique hip-hop, de la musique rap aussi. Parce que les gens ont un petit peu de difficulté à danser sur du hip-hop, à danser sur du rap. Là, c'est pas du tout le cas. Cette fin de semaine, ça s'est fait. Ça l'a dansé, ça l'a sauté, ça l'a vraiment été incroyable. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous faire revivre un petit peu cet engouement-là qu'on avait du côté du centre-ville de Trois-Rivières avec une chronique qui est un petit peu plus musicale ce matin. On s'est dit, Léa est pas là. Bien, je vais prendre sa place pendant quelques instants. Et on s'en va écouter Larry Kidd avec Les Fleurs Bleues. Assemblage Rocky. C'est parti. Tout mon nigga buddy count. On dirait que j'suis seul au monde. Man, I did it on my own. J'ai engendré tous ces clones. Maintenant ils veulent me descendre. Please leave me the fuck alone. Tout mon nigga buddy count. On dirait que j'suis seul au monde. Man, I did it on my own. J'engendrai tous ces clones. Maintenant ils veulent me descendre. Please leave me the fuck alone. Hey, mais qui était au crib hier soir? Ils ont viré la place inside out. And I wanna know the deal right now. Parce qu'ils ont volé mes jeans style bars. And I finna pull a fifth right out. J'bought a Jeep Prosecco, puis j'le piss right out. Hey, it was in my real lifestyle. I'ma keep it real, j'ai signé un deal. Puis j'ai blow 10 mil, yep, j'appelle ça un Larry Kidd buyout. Hey, t'arrives dans spot on the low. J'arrive dans spot, t'es comme wow. Back to back cars in a row. 24 sitting on chrome. Pocket so short, deviens broke. I'm probably one of the best. Peut-être qu'au fond, tu me détestes. Quand les palmiers sont sortis, j'avais de la misère à dormir. Mais ça l'a changé quand j'ai vu mon chèque. Yes, oui, Jésus, Marie, Joseph, full and my solid. J'ai longtemps cru que le rap était ma terre. Promis, j'ai fait des choses différemment. And I rose from the bottom. J'ai pris trop de médicaments pour mon insomnie. J'ai vu les gars les plus vulnérables tomber. Les gens se foutent de ma gueule. J'ai fait tout tout seul, mais je n'ai jamais succombé à tout renoncer. Tous mes frères se font tirer dans la rue. Je vais tuer un raciste de mes deux mains. And I put it on her thing. Les youtubers parlent de maquillage. Veux-tu ben? Fermez ta gueule un second, check le murder rate. Si tu m'entends pas bien, chérie, lave tes deux oreilles. Shit, and I don't wanna be the best. Je veux pas gagner à la 10. So juste passez-moi de fric et puis honorer le reste. Let's go. Tout mon nigga buddy count. On dirait que j'suis seul au monde. Man, I did it on my own. J'ai engendré tous ces clones. Maintenant ils veulent me descendre. Please leave me the fuck alone. Tout mon équipe est gone. On dirait que j'suis seul au monde. Man, I did it on my own. J'ai engendré Si je vais trop vite, ralentis-moi pas. Chalara, mes profs de Sophie Barra, qui m'ont conseillé de lire le Dalai Lama pendant que j'ai caché des roches de crack dans mon pyjama. Hey, mais quelle vie me diras-tu? Hey, ces adolescents, il faut bien qu'ils s'amusent. Hey, ils ont acheté l'album, ils ont eu des bad notes. Pis là, les parents m'ont pris en filature. Si je meurs, couvrez-moi de fleurs bleues. Même si j'ai un cas noir, wait a minute, ça ne fait aucun sens. J'ai jamais dit que je donnerais l'argent juste. Ma pauvre mère qui s'est faite sans dents parce que je suis parti chasser le loup avec un sodor. Dans cette vie de sentence qui va durer 100 ans. Hey, démon, faut que c'est le temps des vendanges. Faut que le taureau parle de quand j'grabe un centaure. Que de mine et ma cross pour que le diable s'endorme. Qu'on me crucifie sur la croix tout de suite. Everything I own in a box to the left. Qu'on me reconnaisse comme un dieu de l'Olympe. Qu'on reconnaisse Ruff comme le dieu de Lorraine. Qu'on me reconnaisse comme un dieu de l'Olympe. Qu'on reconnaisse Ruff comme le dieu de Lorraine. Yeah, dans la vie tu l'as ou tu l'as pas. Dans la vie tu l'as ou tu l'as pas. Mais cette vie me surprendra toujours. L'autre jour j'ai croisé un Kelly chez mon urologue. Yeah, life's a bitch. Ouais. Wait a minute, ça c'est misogyne. Well, if you treat women like bitches, you gon' pay the price, you fucking piece of shit. Toute mon nigga better count. On dirait que j'suis set on my own. Man, I did it on my own. J'ai engendré tous ces clones. Maintenant ils veulent me descendre. Please leave me the fuck alone. Toute mon équipe better gone. On dirait que j'suis set on my own. Man, I did it on my own. J'ai engendré tous ces clones. Maintenant ils veulent me descendre. Please leave me the fuck alone. Matter of fact, come back, you know. Larry Kidd, hey. Et les fleurs bleues. Ben voyons donc. Ça vous donne un petit aperçu de ce que c'était. En... Je pensais que c'était ça que c'était. Je pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était dans le fond. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça, parce que la prochaine pièce, en fait, que je vais vous faire écouter, c'est du À la claire ensemble. Et si vous savez pas qui est À la claire ensemble, eh bien, sortez de sous votre roche, s'il vous plaît, parce que c'est un band collectif de hip-hop canadien, originaire des villes de Québec et Montréal. Et on a su, en fait, cette fin de semaine, que les 6 gars se sont rencontrés dans un Allo Stop. Oh. Donc, pour ceux qui savent pas qu'est-ce qu'un Allo Stop, c'est comme l'ancêtre de Amigo Express, mm-hmm. Dans le fond. Tu demandais un lift entre Montréal et une place quelconque. Et les gars se sont rencontrés dans une voiture. Wow. On a décidé de former le band et ça s'est fait. Je sais pas si c'est pour le show, mais ça s'est fait aux alentours de Trois-Rivières, ça carrément. Ah ouais, ils ont donc, ils disent ça dans chaque région. Exactement, ont, probablement. mais écoute, ça l'a donné son petit grain de sel au spectacle. Je pense que les gens ont apprécié ce petit moment cocasse. Ça se compose quand même de plusieurs gars, entre autres Dacrophone, qui est Eman et Claude Bégin, Ogden, qui est Robert Nelson, Maybe Watson, Ken Lo, Mash et Vlooper. Et je dois vous avouer que je les ai vus quand même à plusieurs reprises en spectacle et je les ai vus qu'une seule fois ensemble au complet. Ah oui, hein? Sur scène. L'orchestre. Et c'était pas cette fin de semaine. Il manquait un gars, encore une fois. Non. Je sais pas, ça va être quand le jour où ils vont vraiment tous être là une autre fois sur scène, mais à ce jour, À la claire ensemble, ça fait paraître, en fait, une vaste discographie. On joue pas mal là, dans plusieurs sphères. On joue aussi dans plusieurs styles musicaux, tout en restant dans le hip-hop canadien. Donc, on va passer de l'anglais au français. On passe aussi par des tunes qui ont déjà été faites, mais on les a remixés. C'est vraiment complet, en fait. On a des IP, on a des parutions qui sont un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous le disais, c'est un petit peu de l'underground, donc si jamais ça vous intéresse, faites vraiment vos recherches sur Internet parce que ça vaut la peine. Et si vous les connaissez pas, bien, vous avez probablement pas regardé les Félix de l'année dernière. Ah, parce oui. Que c'est le premier groupe à avoir gagné un Félix du côté du hip-hop québécois. Donc, on les salue, on les félicite, mm-hmm. En fait. C'est excellent. Et on va écouter, bien évidemment, la pièce, je pense que... Pour les organisateurs des Nuits polaires, c'est comme un inside, en fait, parce que, bon, la production de publicité, tout ça revient, en fait, à cet extrait-là. Et je pense qu'on l'a entendu quand même assez souvent. c'est la pièce... Peut-être qu'ils sont tannés un peu, peut-être. Ben, peut-être pas, mais tu sais, on l'aime, ça bouge, et ça le fait bouger de façon incroyable, le centre-ville. On a eu le droit à un petit train sur la rue des Forges. Les gars ont sauté dans la foule. On a décidé de faire le petit train. C'était pas sur cette chanson-là, mais quand même, on a réussi à faire bouger, les gens. De tout âge, comme je le disais tout à l'heure, on a réussi à les faire sauter. On a eu le droit à un mosh pit pour la prestation dans la claire ensemble. Alors, on s'en va écouter ça que c'était. C'était Assemblage Rocky. beat, sacré Zeppelin. Le banquet, billet d'avion pour Saint-Fran. Amène un mojito à Saint-Vapravigo, on va se promener en bétail. Oxy des plans pour l'été, pour la semaine. Pensez que c'est sextaine, sextaine. Pensez que c'est sextaine, sextaine. Pensez que c'est sextaine, sextaine. Pensez que c'est sextaine, sextaine. Dans sa gadouille tout, man. Mon boy, c'est basic. Digits, livre set chez nous, main. Bon business, je suis le voisin à tout le monde. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Je suis le voisin à tout le monde. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Fais-moi du pain, bébé, fais les maisons. Fais les goûter, y'a plus mettre du gluten. Fais les doubler, y'a plus mettre des mitins. Bébé, fais les tripler, puis j'appelle ça du prêt. C'était pas mal, je sais que alphabétique dans le street, un peu plus phonétique dans les scripts. Tu rentres par le B, tu passes par le C, tu finis dans le B. Tu me dises dans ton track que c'est subliminal, fait t'es rien que minable. Tu compètes et tu caches sur le gars qui fait des push-up à une main sur mon royal. Une image vaut mille mots, mais les tiens, ils pèsent rien partout, fait que dans la balance, y'aurait même pas 500 sous. Tu retournes à laver des blanchis très bien. Un clip, un pourboire, un conseil, reste mince. Ferme ta gueule, tailleuse, puis parle plus jamais de mon prêt. Vis ta vie de bloc, de mode, cesse ton rap de gonzesse. T'as ça que dis au complet quand t'as dit t'as fait un bon prêt. Ça que c'était, à la claire ensemble. Je dois vous avouer qu'à la claire ensemble, c'était le gros bout du spectacle. Ouais. C'est ce que les gens venaient voir. On a vu vraiment un engouement vers 8h30 approximativement, où là, vraiment, il y a eu une grosse foule parce qu'on voulait justement voir le band hip-hop québécois 2017 qui a remporté le Félix pour l'album de l'année. Mais personnellement, je dois vous avouer que j'ai eu un coup de cœur pour celui qui a ouvert la soirée et il a fait un travail remarquable parce qu'il a fait son travail quand même devant peu de gens. C'est moins que les autres. Oui, exactement, moins que les autres, considérant l'heure à laquelle il était. Et ça demande vraiment, je veux pas dire du courage, mais ça demande quand même une petite dose d'humilité. Oui, c'est ça. Parce que, bon, il y a pas grand monde devant toi. Faut que tu fasses triper les 10 personnes qui sont devant toi en attendant que les autres sortent des restaurants. Donc, à ce niveau-là, il a fait un travail remarquable. Et on doit aussi mentionner que cette fin de semaine, du côté des Nuits Polaires, les trois artistes, donc les deux artistes et le band, viennent tous de la même maison de disques. Ces disques 7e Ciel et celui qui a ouvert le spectacle, qui est Zach Zoya. C'est un petit peu le nouveau protégé de toute cette gang-là et il m'a jeté à terre. Oh, wow. Pourquoi? Parce qu'en fait, on chante en anglais, on chante en français, mais on fait pas simplement du rap. comme je viens de le dire, on chante aussi. Chose qui est quand même assez différente du monde quand même contemporain du hip-hop. Souvent, on va juste dire des mots sur un beat. Parler sur un beat. Ouais. Exactement, et Zach Zoya a expliqué un petit peu plus tôt cette année dans une entrevue que ses origines musicales étaient vraiment pas du hip-hop. On parle par exemple de Beatles, on parle de Elvis, on parle de Michael Jackson, du Queen, du Simon & Garfunkel, mais on s'est rendu vite compte qu'on avait le côté francophone, qu'on avait le côté anglophone en soi, parce que bon, on vient de Rouyn-Noranda, mais on a déménagé à Montréal, et durant les 4 dernières années, on s'est tourné vers le rap. Au début, ça ne l'intéressait pas parce qu'il n'était pas nécessairement sûr de comprendre qu'il y avait quelque chose d'attrayant au hip-hop, au rap, pour quelqu'un qui parle sur un beat qui n'a pas nécessairement une mélodie dans sa voix. Tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps sur la note, là, comme on dit. Donc, ça lui a pris un bon petit moment à comprendre qu'il y a un attrait derrière tout ça, où on peut faire des jeux de mots, où on peut être poétique dans le contenu du texte du côté du hip-hop. Et c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'on s'est lancé dans une aventure sans nécessairement savoir si ça allait très bien fonctionner. Et en tout cas, ça a fonctionné sur moi parce que j'ai adoré ses prestations. Si tu dis qu'il y a des jeux de mots, ça va fonctionner sur moi aussi. Probablement. Écoute, on parle vraiment de pur talent pour Zach Zoya. Même Larry Kidd, même À la claire ensemble l'ont tous mentionné. C'est un gars qu'on devrait voir probablement rouler aussi sur les radios commerciales d'ici quelques années parce que c'est écoutable. Ouais. Je vous dirais que ça pourrait être comparé, par exemple, à Corias. Ça pourrait être comparé du côté anglophone à Drake. Donc, ce sont quand même des artistes qu'on entend dans des radios commerciales. On est toujours underground pour le moment, mais on fait paraître un premier mini-album sur une plateforme Internet qui est SoundCloud, qui fonctionne extrêmement bien présentement. Et je pense que ce gars-là a vraiment beaucoup de talent. On va le voir, on va l'entendre, c'est sûr et certain. Et je me suis dit, pourquoi pas vous offrir sa plus récente pièce qui est Superficial. Voici Zach Zoya. Pendant qu'on peut toujours l'écouter sur nos ondes. Vous êtes à l'assemblage requis. Yeah, yeah, yeah. Up to the sky and thank the man I don't believe in. Feeling high even though no weed was burned this evening. Yeah, she dressing fly, don't need makeup. Music when she talks, so no, don't need to rule. All of this is in the past now, maybe I should quit. Maybe she'll come back when she sees I got rich. Yeah. I see she liking all my IG pics. Wish you were superficial, yeah. She loved her hair and her flashy kicks, yeah. Just wish you were superficial, yeah. She says it's a shame you were so damn handsome. Just wish you were superficial, yeah. Just promise you keep all them pictures on your Samsung. Wish I was worth it. Wish I never went further than flirting. Wish I never got to see you in person. Maybe then it wouldn't feel like a burden. Wish you could love me for what's on the surface. Got me confused, like why did you do this, girl? What was the purpose? Just thought I deserved you. Should've let me know it was just a disturbance. You're happier now that I deserved it. Guess you were fed up but just couldn't word it. Didn't mean to hurt you. Sorry if to me you were perfect. Sorry if to me you were perfect. Wish I never even met the fan. Wish I never shook the father's hand. Couple bottles, yeah, we making plans, yeah. Couple shots and none of Main Hill. Wish your friends didn't like the music. Maybe then I wouldn't have to use it. It's one of many excuses to keep on talking and keep on doing this. Wanted somebody with me on a come up. Pop a couple shit like y'all saying hover. Since we incompatible, girl, I'm part of meaning. You can mold me any way you wanna. We incompatible, girl, I'm but a meaning. You can mold me any way you wanna. Yeah, I see she liking all my IG pics. Just wish you were superficial, yeah. She love that flashy kiss. Just wish you were superficial. official, yeah. It's such a shame cause you were so damn handsome. Just wish you were superficial, yeah. Just promise you keep them pictures on your Samsung. Just wish you were superficial, yeah. Yeah, wish you were superficial, yeah. Superficial, Zach Zoya. C'est vraiment mon coup de cœur du dernier samedi des Nuits Polaires. Il a ouvert un spectacle quand même assez enlevant, quand même assez incroyable. Et je crois qu'on va encore entendre son nom pendant un bon petit moment. Vous l'avez entendu, c'est écoutable, c'est aimable aussi. Aimable? Mais je veux dire que c'est très facile à aimer. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour le futur pour ce jeune de Rouyn-Noranda et Montréal. Donc plein de temps pour moi pour faire les jeux de mots de sorcier avec lui. C'est ça, exactement. Mais je me suis empêché de le faire aujourd'hui. J'ai posté sur les réseaux sociaux durant la fin de semaine parce que j'étais là-bas justement. Puis Mathieu s'est fait un joyeux plaisir de me répondre sur Soya avec des petits emojis de sushi. Merci Tania. Hey, ça fait plaisir. Les Nuits Polaires, trois fins de semaine, c'est fini. C'est terminé. Ça va l'année prochaine, gars? C'est ça, l'année prochaine. Si vous l'avez manqué, ben on est désolé. Ben là. Hey, hein, tenez-vous au courant. C'est pas comme si elle vous l'avait pas dit à l'avance. C'est en plein ça. C'est ça. On prend une pause. Au retour, il nous reste la chronique après le crime. Merveilleux. Qu'on va faire. Et peut-être d'autres petits sujets aussi, là. Parfait. Ça va faire comme ça. On revient. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Aujourd'hui. Yeah. can bring you back from this relaxed sleep. The louder day is talking to Choke ou. Je te perds, Tania. OK. Qu'est-ce que tu dis à ton producteur pour vrai? Genre plus de grichage, mais probablement, j'en ai aucune idée. Je comprends pas. C'est ça. C'est un choix. Bref, tiens, des gens qui font des choses bizarres, il y en a beaucoup. Oui, en effet. Et justement, on a la chronique après le crime pour en parler. Après le crime, c'est la chronique des gens qui font des choses répréhensibles. Et on commence par quelqu'un qui a pas vraiment, en fait, commis quelque chose de répréhensible, mais qui se sent mal en pensant être un peu l'accessoire du crime. C'est une conductrice de Uber. Uber, qui a transporté Nicholas Cruz jusqu'à Marjorie Stoneman Douglas High School le 14 février dernier, ce qui a mené à la fusillade. Mm-hmm. On se rappelle à Parkland. Donc la conductrice, qui n'a pas voulu être identifiée, a ramassé le garçon de 19 ans à la maison de Loxahatchee à Parkland, là où il restait, et se disait bon que c'était tout à fait normal. Elle l'a vu avec son sac à dos, et puis elle pensait qu'il y avait un étui à guitare. Donc le garçon a dit genre je m'en vais à mon cours de musique. Elle trouvait qu'il avait l'air d'un gars tout à fait normal. Elle parle pas tellement anglais, et donc elle lui a pas parlé à lui tant que ça, mais il lui a dit « Ah, je m'en vais rien faire, nothing », donc il a rien dit par rapport à la fusillade, évidemment. Finalement, Cruz qui a tué 17 personnes, dont 14 étudiants. Ça fait peur quand t'es l'accessoire du crime comme ça. Ça fait peur. Elle a de la difficulté donc avec son rôle accidentel dans cette fusillade. Voilà. Et elle dit que quelques jours après la fusillade, elle a ramassé quelqu'un qui s'en allait à une des funérailles de la victime. Donc tout ça, c'est bien touchant. Hein? Ensuite, justement, la raison pour laquelle j'avais choisi cet article-là, c'est pour parler en général des services comme Uber. Il y a un homme qui aurait fait semblant d'être un chauffeur, justement, pour une compagnie comme celle-là, pour violer 7 femmes. Et la police pense qu'il y a d'autres victimes. C'est la police de la Californie qui a arrêté un homme de Santa Ana qui, selon eux, faisait semblant d'être un poseur, si on veut. Il jouait le rôle d'un conducteur de ce véhicule-là. C'est Canyon News qui nous dit que le bureau de Los Angeles District Attorney a accusé Nicholas Morales, 44 ans, d'avoir fait au moins 7 viols dans une période de 15 mois entre octobre 2016 et janvier 2018. Le sergent Stephen Carr Stéphane Voiture. Oui. Dit que les attaques ont eu lieu à Alhambra, Los Angeles, Beverly Hills et West Hollywood. Carr dit que la police à l'origine a arrêté Morales en connexion, en relation avec une attaque qui avait eu lieu le 30 décembre 2017. Ce soir-là, une femme avait appelé le 911, disant que Morales était venu la chercher à Los Angeles et l'avait amené dans un stationnement très loin de tout, là, genre le petit restaurant fond de nulle part, à Alhambra, là où il l'a violé. Carr dit que les preuves criminalistiques l'ont mené à Morales. La police a demandé un mandat d'arrestation pour aller chez Morales et saisir plusieurs articles avant de l'arrêter le 23 février sans aucun incident. Donc, il s'est laissé faire, comme on dit. Il est accusé de 27 chefs d'accusation. Je ne vous les lirai pas tous, il y en a plusieurs. Tout ça avec entre autres avec des couteaux. Donc il y a eu plusieurs violences avec ça. Il pourrait passer 300 ans en prison, entre guillemets, s'il est trouvé coupable. Et puis ils ont sorti un sketch, donc un petit dessin du suspect en mai dernier après qu'une femme ait été violée, c'est ça. Après que ça ait eu lieu, on a sorti le petit dessin. Et maintenant, on a réussi à trouver la vraie personne de 44 ans. Et puis, c'est ça. Mm-hmm. 10,3 millions de dollars de caution s'il veut quitter la prison. Ensuite, des parents qui ont laissé leur enfant adulte crever de faim à mort. Donc, il est vraiment mort de ça. Après que les avantages, les bénéfices du gouvernement, là, les chèques que les parents peuvent recevoir après qu'ils aient fini par manquer d'argent. C'est les autorités du Kentucky qui ont arrêté les parents d'un homme handicapé qui aurait été victime de négligence, ce qui aurait résulté donc en sa mort à l'âge de 20 ans. Selon WKYT, Albert et Patsy Christie ont été arrêtés et devraient être accusés de plusieurs chefs d'accusation après une enquête qui a duré plusieurs mois. L'examen médical dit que la mort était un homicide et la conclusion est qu'il est mort en décembre à cause de négligence, spécifiquement à la malnutrition, déshydratation et une pneumonie. Selon Fox News, une autopsie a montré que Logan Christie avait aucune nourriture dans son estomac malgré le fait que sa mère lui disait qu'elle avait dit qu'il avait été nourri quelques minutes avant qu'elle appelle les autorités pour dire finalement que leur garçon était mort. Apparemment qu'il pesait 61 livres au moment de sa mort et qu'il vivait dans des conditions très insalubres. On dit que Albert, 61 ans, et Patty, 65 ans, ont arrêté de prendre soin de leur fils après son 18e anniversaire lorsqu'ils ont arrêté de recevoir des chèques du gouvernement, voilà. Et puis on décrit les circonstances autour de sa mort comme étant les pires que le shérif a jamais rencontrées. Les deux enfants des suspects qui vivaient aussi dans cette maison-là à Winchester insistaient que les parents ne laisseraient jamais leur enfant crever de faim, mais Colin, c'est quand même ce qu'ils ont présumément fait étant donné l'examen médical. Les suspects qui ont été arrêtés et sont maintenant à la prison de Clark County avec 1 million de dollars de caution. Ensuite, une femme qui empoisonne sa tu sais, on dit des fois un doppelganger. Oui. Un genre de sosie. Ouais, exactement. Si on veut. Donc une femme qui a empoisonné son sosie avec un gâteau au fromage empoisonné pour essayer de voler son identité selon la police. Oh. C'est une femme de New York qui est accusée au niveau criminel donc d'avoir essayé de tuer quelqu'un, d'avoir essayé de voler aussi, d'avoir violenté quelqu'un en connexion avec un empoisonnement qui a lieu il y a plus d'un an. Donc ce serait Victoria Nassirova, 42 ans, une femme russe qui vit à Brooklyn, qui est accusée d'avoir empoisonné une femme avec un gâteau au fromage comme j'ai dit tantôt avec l'intention de prendre son identité. Et plusieurs de ses possessions physiques. La suspecte a été arrêtée au mois de mars. ce serait en relation avec ce crime qui aurait eu lieu en 2016. Ce serait apparemment donc, qu'elle a organisé la scène pour donner l'impression que la victime de 35 ans, Olga Tsvik, s'était suicidée. C'est selon le New York Daily News. Nassirova était aux États-Unis parce qu'elle évitait des accusations de meurtre venant d'une mort en 2014 en Russie. Hein, tu vois, donc elle est venue aux États-Unis commettre le reste de ses crimes. Les autorités disent qu'en réalité, Nassirova identifiait la victime, qui est une personne qui parle russe, qui vivait dans Queens, comme cible. Elle lui a présenté du gâteau au fromage comme cadeau après l'avoir visité chez elle. La victime aurait mangé tout le dessert et serait tombée dans les pommes à cause du tranquillisant que le gâteau contenait. Elle a été découverte inconsciente le lendemain et elle a réussi à s'en remettre. La scène aurait été installée pour avoir l'air d'un suicide. La victime, habillée de lingerie fine et plusieurs pilules autour d'elle. Après avoir repris conscience, Tsvik a vu plusieurs documents autour d'elle et de l'argent qui avait été volé de sa maison, de son appartement, ou peu importe. La police de Queens, le Queens District Attorney Richard Brown, a sorti un petit communiqué disant que ce crime était tordu et bizarre. Ben oui, en effet, c'est vrai. Il a raison là-dessus. Je crois que oui. Il dit aussi que le crime aurait très facilement pu être fatal pour la victime. Le seul défaut que la femme avait, finalement, pour que le crime soit commis, c'est qu'elle ressemblait beaucoup à Nassirova. Heureusement, la femme a survécu à l'empoisonnement et puis maintenant, elle pourrait, la criminelle présumée fait face à plusieurs chefs d'accusation et pourrait passer 25 ans en prison. Ensuite, une jeune fille asthmatique qui est morte quelques heures après qu'un médecin l'ait refusée, donc elle a refusé de la traiter parce qu'elle était en retard de quelques minutes à son rendez-vous. Oh. C'est une fille de 5 ans avec une longue historique d'asthme qui est morte quelques heures après qu'un médecin lui ait refusé service. L'enquête dit que Ellie Mae Clark est arrivée donc au-delà des 10 minutes de retard. Il y a une règle à cette clinique-là, la Grange Clinic à Newport Wells. Donc, un rendez-vous d'urgence qui était au-delà du 10 minutes requis. Résultat, le coroner dit que le traitement pour la sauver a été manqué de quelques instants. Selon Wells Online, Shanice Clark, qui venait de donner naissance à un autre enfant, a demandé une visite à la maison en janvier 2015, mais on lui a donné 25 minutes pour se rendre à la clinique. Sky News dit que Dr. Joanne Rowe aurait refusé de traiter Ellie Mae malgré donc l'alerte justement de l'asthme qui est potentiellement fatale. La famille est arrivée à 17h05 pour un rendez-vous à 17h. Pourtant, on avait dit tantôt qu'il y avait une règle de 10 minutes. Hein. Ouais. Par contre, la petite fille et sa mère ont dû attendre, voilà, ont dû attendre que la réceptionniste finisse son appel téléphonique avant de pouvoir les prendre. Donc, ils ont parlé, la famille, à la réceptionniste entre 17h10 et 17h18. Donc, ce qui va au-delà de la règle des 10 minutes. Hein. Mais oui. Ouais. Le coroner a noté que Dr. Rowe ni la réceptionniste avaient demandé pourquoi Ellie Mae était en retard au rendez-vous ou la raison pour laquelle le rendez-vous pour laquelle ils ont demandé un rendez-vous. On admet que le coroner a accusé Dr. Rowe de ne jamais avoir regardé le fichier médical de Ellie Mae. Et le Dr. Rowe a demandé à la mère de ramener Ellie Mae demain pour un autre rendez-vous. Elle a accepté. Ellie Mae est allée se coucher à 20h ce soir-là et sa mère est allée la voir à chaque 10-15 minutes pour lui donner ses pompes à chaque 30 minutes. La jeune fille a commencé à tousser vers les 22h30. Ses mains et son visage étaient bleus. L'enfant a été amené à l'hôpital et elle est morte quelques temps après. Tout ça à cause d'un retard à un rendez-vous. On dit que la cause officiellement est asthme bronchique pour la fille de 5 ans. Voilà. Ensuite, une femme qui aurait menacé de tuer une enseignante dans une école avec un pic à glace. Hein? Ben voyons donc, bon minute, là, ouais. C'est agressif ça. Là. Un peu agressif, surtout avec les républicains qui veulent armer les enseignants de fusils aux États-Unis. Bref, t'es en quatrième année, imagine-toi ça, et puis un adulte qui te menace avec un pic à glace. C'est les policiers de Las Vegas, Nevada, qui ont arrêté Crystal Kilo. Oui, Crystal Kilo, à 33 ans. Après avoir fait exactement ça, finalement, selon le Las Vegas Review Journal, les autorités disent qu'elle a menacé des enfants à l'école élémentaire Williams Elementary School. Elle était située de l'autre côté d'une clôture lorsqu'elle a fait ça. Elle criait qu'elle allait tuer tout le monde. Mm-hmm. Uh-huh. Les voisins auraient dit aux policiers qu'elle grimpait la clôture de l'école. Wow. Donc, ils ont entendu la femme crier « Je vais vous tuer ». Voyons. Ben ouais. Wow. Un officier est arrivé à la scène, a dit à Kilo de descendre de la clôture. Elle l'a fait et elle a été arrêtée tout de suite. Law and Crime a pu trouver le petit dossier policier. On dit que présentement, la femme est toujours au centre de détention de Las Vegas avec 51 140 $ de caution. Elle a 4 chefs d'accusation, dont bien sûr violence avec une arme fatale, parce que ça aurait clairement pu tuer quelqu'un, tout ça. Encore une fois, si ça vous intéresse d'aller voir les photos des gens pour voir, tu sais, que ils ont quelque chose qui cloche dans le visage. Ouais, c'est ça, exactement. Clairement, ces gens... Wow, celle-là. Est incroyable, celle-là. Une des meilleures, je trouve. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Ensuite, les avocats d'une adolescente accusée de meurtre qui disent, en tout cas, qui allèguent, je crois qu'on peut dire, que ce serait son médicament pour l'acné qui l'aurait fait agir comme ça. Ah! Tu sais, quand tu cherches une excuse, là. Ben ouais, dit, hein, quelle belle excuse. Mon Clairacil, clairement, qui m'a... Bref, les avocats d'une adolescente accusée de meurtre de ses amis, donc qui se serait comporté comme ça de façon erratique à cause des effets secondaires d'une prescription d'Accutane. Selon Newsweek et l'équipe légale de Aiden Von Grabo, ça c'est le nom de la jeune fille, 15 ans, donc on dit que, selon eux, hein, que l'isotonique trétinoïne, le nom générique de ce populaire médicament pour l'acné, le Lacutan, est présenté comme cause derrière ses actions. C'est pas la première fois que j'entends parler de ça, avec Lacutan. Ah ouais? Ça a l'air que ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la façon dont tu vois les choses. Ton comportement, ah ouais? Exactement. Est-ce qu'on sait si c'est disponible au Canada? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui prennent Lacutan pour l'acné. Des problèmes sévères d'acné, je me rends. Oui, exactement. Bref, Von Grabo qui est accusé de meurtre au premier degré et 10 autres chefs d'accusation pour avoir poignardé Michaela Grote à 20 ans en novembre 2017. Elle qui a été tuée, donc qui a été tuée finalement, à sa maison de Longmont avec un couteau de chasse. La police a trouvé une liste de gens qu'elle voulait tuer, donc dans la salle, dans la chambre à coucher de Grabo, ce qu'on appelle une death list. La plus jeune sœur de Grote était au sommet de cette liste. Et on croit qu'elle était la cible d'origine pour Von Grabo, mais finalement, elle était dans la douche à ce moment-là et s'est embarrée dans une autre pièce. Donc, pas mal chanceuse de s'en être sortie, la sœur de Von Grabo. Ben c'est ça, Colin, je ne savais pas que c'était quelque chose qu'on avait, qu'on avait déjà soupçonné par le passé, mais la US Food and Drug Administration note que les patients qui prennent de l'isotrétinoïne devraient être surveillés pour les pensées ou actions suicidaires, dérangement de leur comportement, psychose ou agression, agressivité. Ça, Colin, ça fait peur. Tu sais, on voit souvent dans les annonces aux États-Unis, ils annoncent des médicaments et les effets secondaires durent presque 2 minutes au complet. On entend tout le temps pensées ou actions suicidaires. Il y a beaucoup de pilules aussi qui sont comme ça, mesdames. Faites attention. Mais t'auras plus de boutons. Oui, c'est ça, exactement. Ton cycle va être... En prison, t'auras plus de boutons. Ensuite, une adolescente qui poste une vidéo, c'est pour un public plus ou moins averti, cette chronique-là, je vous le rappelle, je le dis pas assez souvent, mais une adolescente qui a posté une vidéo d'elle juste avant qu'elle saute à sa mort avec sa sœur. Ce serait un jeu de suicide qui s'appelle Blue Whale Suicide Game. As-tu entendu parler de ça? Non. Non. Deux filles qui ont été trouvées mortes sur un trottoir en dessous de leur bloc appartement à Izvestk, en Russie, après avoir posté des messages sur les réseaux sociaux, des messages à leurs êtres chers, et ils ont sauté en bas d'un 10e étage. Selon The Sun, Maria Vinogradova, 12 ans, et sa demi-sœur Maria Svetostarova, voilà, 15 ans, qui aurait peut-être été influencée par le jeu en ligne qu'on appelle Blue Whale. Donc ce serait responsable, ce jeu-là, de 130 morts environ. Dans ce pays-là. La police enquête toujours par rapport à ces suicides-là. Avant d'avoir sauté, les deux jeunes femmes ont posté sur les réseaux sociaux en partageant une note. Donc, Maria a partagé une note à son copain, etc., etc. Au revoir à tous. Pas besoin d'avoir tous les mots, là. Mais le Blue Whale Challenge, c'est un jeu de suicide qui vient probablement de Russie. C'est joué en ligne pendant 50 jours. Les participants, qui sont souvent des adolescents avec une dépression, se font encourager par les autres à compléter des tâches qui sont de plus en plus dangereuses. Donc au début, les joueurs doivent regarder des films de peur. Plus tard, ils doivent graver une baleine bleue dans leur peau, d'où le nom Blue Whale. Et le dernier jour, l'instruction, c'est de se suicider. Donc le journal qui révèle que le ministre de l'Intérieur russe a découvert 1339 groupes de suicides en ligne avec un public de plus de 12 000 utilisateurs et 200 000 billets, 200 000 posts si on veut. Les administrateurs de 19 Blue Whale, non, pardon, les 19 administrateurs de Blue Whale, oui, ont été détenus jusqu'à maintenant avec 230 cas aux criminels qui sont présentement sous enquête. Donc le jeu s'appelle Blue Whale. Allez pas jouer à ça, s'il vous plaît. Continuez à jouer à The Game. Ça fait moins de mal à tout le monde, ça. Ensuite, une mère de 4 enfants qui a été poignardée par un homme sans-abri qu'elle essayait d'aider. Ça t'apprendra à aider le monde. Mais hein? Ouais. Donc, un sans-abri qui a été arrêté pour avoir présumément poignardé une mère à mort à Denver, au Colorado, alors qu'elle essayait de l'aider à se remettre sur pied. C'est selon KCNC, et la police a trouvé Gina Leslie, 49 ans, poignardée à mort dans son appartement du 3e étage au Rio Grande Loft lors de la Saint-Valentin. La mère de 4 ans permettait à Terry Dunford, 40 ans, et à un autre sans-abri de vivre chez elle alors qu'elle les aidait à se remettre sur pied. La affidavit obtenue par la station KCNC révèle que Leslie a été tuée 6 jours avant que son corps soit découvert. La police l'a découvert après que l'ex-mari de la femme ait composé le 911 parce qu'elle n'était pas venue chercher son fils adolescent et sa fille à une partie de basketball. On dit que l'odeur, oui, était insoutenable. Apparemment, les détails, je vois l'arme du crime puis tout ça, pas besoin de lire ça. Hein. Qu'est-ce que ça dit à la fin? Que Dunford a été arrêté et est au centre de détention de Denver, accusation de meurtre au premier degré. accueillir des gens chez soi que tu connais pas. Hein? Ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde. Assure. Pas que c'est la faute de la victime, c'est mais pas non. ce qu'on veut dire, mais c'est que, tu sais, je comprends que tu veux y aider. Hein? Oui. Mais il y a d'autres façons d'aider que les accueillir. Mais tu sais, de croire à l'innocence des gens. Faut pas tout le temps présumer que les gens sont tout le temps fins. C'est ça. C'est pas vrai. C'est être naïf un petit ouais, peu. C'est ça. C'est un peu de la naïveté. Ouais. Je veux pas être méchante, là. Je veux pas dire que c'est mal de penser que les gens ont pas du bon en dedans d'eux. Je suis juste en train de dire que... Ouais, c'est ça. Hey, on revient à notre ami Nicholas Cruz, oui. Le tireur de Parkland. OK. C'est pas vraiment notre ami, là. Vous comprenez non, vraiment sarcasme pas. Ici, les gens en premier degré. Exactement. Donc, une femme qui a jeté dehors Nicholas Cruz, elle l'a jeté dehors de sa maison, mais maintenant, elle réclame les 800 000 $ d'héritage. C'est un peu bizarre, hein? Une femme qui a brièvement accueilli, justement, un peu comme la madame avec les sans-abri, elle a accueilli Nicholas Cruz avant de le jeter dehors, et bien maintenant, elle veut une partie de l'héritage laissé par sa mère adoptive, maintenant décédée. Donc, le New York Post qui nous raconte que Roxane Deschamps a rempli des papiers en cours pour demander d'être, je sais pas comment on appelle ça en français, là, mais l'exécutrice du testament de la mère de Cruz, qui est maintenant décédée. Linda Cruz, qui est la mère adoptive du tireur présumé, qui est morte le 1er novembre dernier après une brève maladie. Et Deschamps aurait accueilli Nicholas, 19 ans, et son frère Zachary, 17 ans, dans ses maisons de la Floride. Mais Nicholas n'est pas resté longtemps. Deschamps aurait jeté dehors Nicholas, dehors de sa maison mobile, hein, grande classe ici, après s'être chicané par rapport à la collection de fusils du garçon. Wow. Hein, ça dit tout. Mm-hmm. L'adolescent qui est ensuite allé vivre chez Kimberly et James Sneed, qui sont des parents d'un ami. Les Sneeds, pas sneeze comme éternuer, Sneeds, étaient au courant que Cruz avait plusieurs fusils et lui ont permis de garder certains fusils dans sa chambre, dans un coffre-fort. Wow. As you do. Comme on dit. Bref, Cruz aurait parlé d'un héritage de 800 000 $ laissé par sa mère lorsqu'il a eu 22 ans, c'est ça. Et les Sneeds ont dit au Sun Sentinel que Cruz pensait que Deschamps allait essayer de voler l'argent. Selon les papiers de la cour qui ont été trouvés par le New York Post, Deschamps disait qu'elle avait le droit à l'argent parce qu'elle elle a pris soin de son frère Zachary. C'est ça. Elle a pris soin d'un bénéficiaire de 50% des bénéficiaires mineurs. 50% minor beneficiary, exactement. Ouais. Bref, pas sûr, on va voir. Mm-hmm. On va voir. Tu peux le demander. Ça veut pas dire que tu vas l'avoir. Non, c'est ça. Deschamps a refusé de donner des commentaires au New York Post, mais son avocat a dit que la demande à la cour était appropriée. Ah, bon. D'accord. Ensuite, un suspect de viol qui s'est empoisonné lui-même pendant une poursuite en voiture. Selon la police, il y a plusieurs façons de terminer une poursuite en voiture, bien sûr. Ça peut finir en accident de char, ça peut finir avec le suspect qui se rend, ça peut finir avec les policiers qui te tirent dessus. Mais suicide par poison, c'est plus rare. Hein? Oui. Selon la California Highway Patrol, l'officier Kevin Denharder a dit au Ventura County Star que l'homme était recherché par le département policier de Los Angeles, oui, pour un viol présumé. Les policiers ont demandé de l'aide pour situer la voiture de la personne. Les officiers l'ont trouvé, ont essayé de le faire ranger sur le côté, mais apparemment que le chauffeur a continué de conduire. L'homme a finalement cédé, a traversé toutes les voies du trafic, a arrêté en plein centre de la division de la route, et les enquêteurs ont trouvé cet homme mort à l'intérieur de la voiture. Il s'est empoisonné d'une façon ou d'une autre. La poursuite a duré 6 miles. Aucun tir ont été tirés. Et l'enquête continue en ce moment. Les détails sur le viol et sur l'identité de l'homme ne sont toujours pas révélés. Ensuite, celui-là, c'est triste quand même aussi. Une accusation de meurtre pour une infirmière, en fait, qui a été vue en train de rire d'un vétéran qui était en train de mourir. Oh, d'accord. Plusieurs accusations au niveau criminel, dont de meurtre, données, si on veut, contre une infirmière par rapport à la mort d'un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Il a 89 ans, James Dempsey. C'est Lois Pickett Hageman, ancienne infirmière, qui avait sa licence et tout, a été accusé à DeKalb County en Géorgie pour meurtre et négligence d'une personne âgée, selon Eleven Alive. Wanda Knuckles, une autre ancienne infirmière, a été accusée d'avoir privé à cette personne âgée des services essentiels, alors que l'assistante infirmière Mabel Thurman est accusée de négligence d'une personne âgée. Les défendresses ont chacun un chef d'accusation d'avoir caché la mort d'une autre personne. Concealing the death of another. Wow. Bref, vous pouvez voir la vidéo si vous voulez sur assemblagehockey.com. On voit les infirmières ignorer ces cris à l'aide. Et l'autre rit alors que Dempsey est en train de mourir. L'éditrice en chef, rédactrice en chef de Law and Crime a découvert cet incident-là en 2015 alors qu'il était journaliste pour WSB TV à Atlanta. Et on dit que la famille de Dempsey avait installé une nanny cam, donc une caméra qu'on installe souvent pour les gardiennes, dans la chambre du Northeast Atlanta Health and Rehabilitation en 2014. Bref, ils ont réussi à filmer les derniers moments de cet homme et il appelle à l'aide plusieurs fois, il se fait ignorer. La famille a poursuivi les infirmières et la vidéo, bah bref, la vidéo montre pas mal tout, fait que je pense que c'est assez clair que ouais. Ça a eu lieu, hein? Voilà. Et la famille de Dempsey a réussi à arriver à une entente à l'amiable avec la maison en tant que telle. La maison de personnes âgées, bien ouais. Sûr. Ouais. Ensuite, tantôt, on a parlé de Uber. Parlons un petit peu de Lyft. Ah, OK. Ouais, ce serait pas plus rassurant. Ben, c'est un conducteur pour Lyft qui a commencé à faire une fusillade et il a tiré sur des hommes sans-abri alors qu'ils dormaient. Hein? La police du Nevada a arrêté un homme qui ciblait des sans-abri dans une fusillade qui a laissé deux personnes mortes et deux autres blessées. Ben voyons. C'est selon le New York Post. Ouais, c'est Joshua Castellan, 26 ans, qui était arrêté et qui devrait faire face à des chefs d'accusation, dont meurtre et tentative de meurtre en connexion avec une série de crimes par fusil entre le 29 janvier et le 2 février dernier. Le suspect était employé, présumément, en tout cas on allègue, qu'il était employé par Lyft. La police de Las Vegas a annoncé qu'il cherchait l'assistance du public pour identifier ce tueur en série. On a trouvé James Lewis, 64 ans, et Brian Wayne Clegg, 51 ans, mort. Et un autre sans-abri a été tiré au visage alors que tous dormaient. C'était le même jour, le 2 février. Le capitaine du Metropolitan Police Department, le capitaine aux homicides Robert Plummer, a envoyé une alerte pour dire que les détectives traitaient ce suspect-là comme un tueur en série. Je pense que c'est clair que quand il y a une série de meurtres, c'est que tu es un tueur en série, mm-hmm. Évidemment. Bref, on dit que la police cherche toujours l'arme du meurtre et Castellan l'aurait acheté quelques jours avant les fusillades. Ça, c'est les détails qu'on avait dans le dernier article qui date du 21 février. Ensuite, on va dans une secte où le leader, le chef d'un culte, d'une secte, aurait abusé sexuellement une jeune fille de 8 ans. Et ce qui rend l'histoire assez particulière, c'est qu'il a échangé des jeunes filles avec d'autres membres de la secte. C'est un membre d'une secte en Utah, aux États-Unis, qui a plaidé coupable à des accusations de viol d'enfants et d'abus d'enfants, selon Fox News. C'est Samuel W. Schaefer qui a fait son plaidoyer de culpabilité, voilà, admettant d'avoir abusé sexuellement une jeune fille de 8 ans, pour essayer de faire abandonner d'autres accusations, donc tu sais, un plea deal, comme on l'appelle, mm-hmm. Dont kidnapping d'enfants et autres abus. Donc Schaefer, qui est le chef d'une secte, d'une organisation qu'il a formée lui-même, qui s'appelle Knights of the Crystal Blade, qui distorsionne, dit-on, les enseignements de l'Église mormone. Il a réutilisé le groupe pour cultiver des victimes de viol, allant jusqu'à kidnapper des enfants et les forcer à se marier, selon l'avocat Scott Garrett. Et en plus de cette victime-là, dont on a parlé tantôt, la police croit qu'il a aussi violenté des filles aussi jeunes que 4 ans. Les autorités ont trouvé une victime de 8 ans en décembre, ainsi que d'autres victimes présumées cachées dans des barils. OK. Ouais, sur des terrains qui sont propriété de d'autres membres de la secte. Ben voyons-en. Schaefer, on dit qu'il échangeait ses victimes avec d'autres membres des Knights of the Crystal Blade. Chacun mariait la fille de 8 ans de l'autre. Hein? Tu comprends? Bref, son plaidoyer de culpabilité va lui donner au moins 25 ans en prison. Mais on n'a pas encore les chiffres finaux. Là, ça n'a pas encore eu lieu. Le procès devait avoir lieu dans les derniers jours. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un petit suivi là-dessus, présumément plus tard. Et on va terminer avec un dernier. C'est une chasse au trésor de plusieurs millions de dollars qui fait sa quatrième victime. C'est un homme qui est tombé à sa mort l'an dernier dans le parc national de Yellowstone. On a révélé récemment qu'il était en chasse au trésor. Il cherchait des bijoux, de l'or qu'un vendeur d'antiquités, Forrest Fenn, disait avoir caché dans des endroits mystérieux. Okay. C'est la quatrième mort qu'on a par rapport à la poursuite de ce trésor-là. Via l'acte de liberté d'information, comme on appelle ça, Freedom of Information Act Request, la station de télé du Montana, KULR, a découvert que Jeff Murphy, 53 ans, faisait de la randonnée. Il a plongé à 500 pieds, sur une côte, sur un ravin du Turkey Pen Peak. Il était découvert mort le 9 juin 2017. Et puis c'est ça, il était en train de chercher le trésor de Fenn au moment de sa chute fatale. La femme de Murphy a dit qu'il était introuvable le jour avant que les autorités trouvent son corps. Elle a aussi dit aux enquêteurs que la chasse au trésor était la raison pour laquelle son mari était en randonnée, mais cette information-là avait été, restée privée jusqu'au moment de l'accès à l'information. Bref, le rapport de la police confirme que la mort de Murphy était accidentelle. Fenn est un millionnaire du Nouveau-Mexique, âgé de 86 ans. On parle de celui qui aurait enterré le trésor. Il a laissé des indices dans son mémoire de 2010, The Thrill of the Chase, par rapport aux endroits où les trésors étaient cachés, supposément. Ça pourrait valoir jusqu'à 2 millions de dollars, disait-il. Donc il y a plein d'indices là-dedans. Le Washington Post révèle que Fenn a créé cette course au trésor pour encourager les gens à aller dehors, à l'extérieur. Il dit que c'est enterré à 5000 pieds autour des montagnes rocheuses, entre Santa Fe au Nouveau-Mexique et la frontière canadienne. Il y avait un passage mystérieux dans le livre de Fenn qui laissait penser que cet endroit-là était dans les bois et que l'effort allait valoir la peine. Mais bref, ça a fait que 4 personnes sont mortes. Ish. Il y a un risque, bien sûr, dans les canyons, dans les montagnes. Oui, clairement. Clairement, donc, je veux dire, il a quand même couru après le trouble, un peu, peut-être marché. Quand même un peu, un hein. Un petit peu. Fenn, qui est encore vivant, d'ailleurs, a exprimé ses condoléances et ses sympathies pour les 4 morts, mais n'a pas annulé la course, en fait, la chasse au trésor. Il a dit au journal que le trésor est situé à un endroit où c'est sécuritaire de se promener en randonnée. Donc, les gens qui se sont aventurés dans des endroits non sécuritaires, ben, c'était pas de sa faute, hein? Voilà. C'est tout pour ce bloc d'après le crime. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 12. Il y a eu beaucoup de morts là-dedans, beaucoup de choses un petit peu déplaisantes, déprimantes. Donc on n'a pas le choix d'entendre Loïc April, voici mes ruines sur tes décombres. C'est comme ça, c'est après le crime. Hein. C'est... Mes ruines sur tes décombres. À son avocat. Au retour, une deuxième chronique de Tania Gonel-Toutenia. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? As-tu déjà eu l'impression d'avoir vécu quelque chose, mais ça ne s'était pas encore vécu? Oui. C'est comme on parle de ça. Un avant déjà vu. Comme... Exactement. Oh, wow. Au retour à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis, maintenant c'est une deuxième chronique de Tania S. Gun Entertainer. C'était une petite Tania qui voulait être pour tes médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna dream. J'ai l'impression d'avoir fait ce début de chronique là plus tôt dans l'émission d'aujourd'hui. Ah ouais? T'as-tu comme une impression de déjà vu, Mathieu? Dirait. Un sentiment de prémonition, j'ai déjà peut-être. J'ai déjà chanté cette chanson-là. Au moins! Oui. Ben justement, je pense qu'on est quand même plusieurs à avoir déjà eu une sensation de déjà-vu, une espèce de sentiment de prédiction sur quelque chose qui s'en vient. C'est des phénomènes qui sont quand même assez vécus de tous. Des flashbacks, des impressions de connaître une personne, de déjà avoir été dans une rue, par exemple, ou rencontrer une situation quelconque. Et justement, à cause de tout ça, bien, il y a des chercheurs en psychologie qui ont essayé de recréer cette impression de déjà-vu chez des humains pour examiner le sentiment de prémonition dans l'état de déjà-vu. Parce qu'il va falloir, y a comme une différence entre un déjà-vu comme dans tu crois avoir déjà vécu quelque chose mais tu n'as jamais vécu versus penser à quelque chose puis que finalement ils deviennent... Exactement, c'est en plein ça. C'est une chose différente. La plupart du temps, des gens peuvent se rapporter, par exemple, à une expérience assez troublante du déjà-vu. On dirait qu'on est vraiment troublé par cette situation-là. Ouais. Et si on se trouve, par exemple, dans une nouvelle situation, mais qu'on sent comme si on avait déjà été là avant, là aussi, c'est un peu troublant. On se fait comme, attends, je l'ai-tu revu? J'ai-tu vraiment déjà fait ça? Pour certaines personnes, c'est un sentiment qui est quand même assez étrange, qui a une tournure supplémentaire. À l'instant où on vit cette expérience-là, on a l'impression de savoir ce qui va se passer par la suite pour certaines personnes. Par exemple, si vous montez un escalier pour la première fois, mais vous avez une espèce de sentiment familier là, par rapport à cet escalier-là, comme si vous étiez dans un rêve, certaines personnes vont avoir une pensée immédiate de se dire « Bon, ben quand je vais tourner à gauche, il va y avoir une pancarte. Ouais. » Même si c'est la première fois qu'ils vivent cette situation, qu'ils sont dans cette cage d'escalier-là. Et l'objectif, en fait, des recherches, c'est d'éclairer la vérité sur cette espèce de phénomène qu'est le déjà-vu ou l'espèce de prémonition qu'on a. La vérité étant, t'es sûrement dans un hôpital, il y a toujours une pancarte au dernier étage, c'est sûr qu'il va y avoir une... Ouais, non? Ben non, pas vraiment. Ah. Bien, on a une psychologue qui est spécialisée en sciences cognitives à l'Université de Colorado, qui est Anne Cleary, qui a passé les dernières années, en fait, à établir cet état-là de déjà-vu comme un phénomène de la mémoire. Donc, une sorte de situation du cerveau qui est semblable à ce qui se passe quand on a un mot, par exemple, sur le bout de la langue, mais qu'on ne peut pas nécessairement le trouver. Donc, on s'appuie sur des expériences qui vont être précédentes, qui se sont déjà produites. Et cette chercheuse a maintenant montré que le sentiment prémonitoire qui accompagne parfois cette espèce de sentiment de déjà-vu est tout simplement qu'un sentiment et rien d'autre. Que oui, mesdames. Messieurs, le sentiment prémonitoire du déjà-vu, c'est juste un sentiment. En fait, la chercheuse, notre psychologue Anne Cleary, a publié un petit peu plus tôt ce mois-ci, donc le 1er mars 2018, dans la revue scientifique Sciences psychologiques, si on le dit en anglais, c'est Psychological Science, qui détaille justement comment on a recréé la sensation de déjà-vu chez des sujets qui sont humains pour examiner le sentiment de prémonition dans l'état de déjà-vu. Donc, selon les résultats de l'étude, les participants n'étaient pas plus susceptibles de pouvoir dire l'avenir que s'ils devinaient aveuglément ce qui allait se produire. Mais pendant le sentiment de déjà-vu, ils se sentaient comme s'ils pouvaient deviner ce qui semble refléter la réalité. Exactement. Donc, Anne Cleary C'est une des rares chercheuses actuelles de la sensation de déjà-vu dans le monde, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Elle a lu le livre d'Alan S. Brown, qui est « The Déjà-vu Experience, Essays in Cognitive Psychology ». Donc, c'est un livre, bien évidemment, sur l'expérience de déjà-vu et ce qui se passe au niveau psychologique, au niveau des cognition. Ouais, ouais. Ouais. Donc, on a été fascinés, en fait, par le phénomène et on a voulu démasquer justement de cette façon-là, en faisant une expérience. Pourquoi est-ce que ça se produit, ces affaires-là? Le sentiment de déjà-vu, ça a une espèce de réputation là, surnaturelle pour certaines personnes. Il y a tout le temps une explication, arrêtez de penser que c'est surnaturel. Mais oui, exactement. Oui, mais pour certains, le surnaturel, c'est quelque chose qui existe. On se rattache à ça malgré dans certaines explications. Exactement. Et on se pose la question, est-ce que c'est le rappel d'une vie passé? Est-ce qu'on peut déjà avoir vécu cette situation-là dans une autre vie? Par contre, les scientifiques ont justement tendance à attaquer les questions à travers une lunette pas mal plus logique et pas mal plus cartésienne et pas mal plus scientifique. C'est sûr que c'est terre à terre, c'est le fun de croire en quelque chose. Mais oui, c'est sûr. Quand on te met la preuve d'en face. Mais tu sais, il faut tous se rattacher à quelque chose à un certain point. Mais bon, notre chercheuse et d'autres chercheurs ont montré que le déjà-vu, c'est probablement un phénomène qui est lié à la mémoire. Ça peut se produire par exemple, lorsque quelqu'un va rencontrer un scénario similaire à quelque chose qu'ils ont déjà vécu, parce que votre mémoire va avoir justement analysé cette espèce de moment-là, on va l'avoir gardé en mémoire et lorsque ça va se reproduire, on va tout simplement avoir l'impression qu'on a déjà vu une situation comme celle-là. Comme tantôt, quand j'ai parlé d'un hôpital ou quelque chose comme ça, tu sais qu'il va y avoir une pancarte, c'est peut-être parce que tu as déjà monter des escaliers du genre. Exactement. Dans ta vie, on se dit souvent aussi que c'est peut-être parce qu'on ne parvient pas à s'en souvenir et c'est là qu'on va faire appel à la mémoire. Ouais. Par exemple, notre chercheuse en psychologie et ses collaborateurs ont montré que le déjà-vu, ça peut être provoqué par une scène qui va être spatialement similaire à une scène précédente. Okay. Donc, si, par exemple, vous montez des escaliers et cet escalier-là est sensiblement les mêmes dimensions, sensiblement les mêmes couleurs, vous allez peut-être avoir un sentiment de déjà-vu à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, bon, quand je vais arriver à gauche, je vais avoir une pancarte. Peut-être qu'il va en avoir une, peut-être qu'il n'y en aura pas. Et s'il n'y en a pas, tu ne vas juste pas y penser, alors que s'il y en a une, tu vas faire, hey, crime, c'est extraordinaire, je suis un devin. Exactement. Donc, concrètement, on peut pas se souvenir de façon consciente de la scène précédente, mais notre cerveau reconnaît la similitude dans des situations. Et cherche peut-être même des similitudes. Ben oui, probablement. Donc, cette information, en fait, vient à travers le sentiment qui nous trouble, justement, quand on a un sentiment de déjà-vu, parce qu'on a, ce sentiment qu'on était là avant. Ouais. Donc ça, déjà, en partant, ça nous déstabilise. Ça me rappelle vraiment, tu sais, quand t'apprends un nouveau mot, puis tu commences à voir ce mot-là partout. Oui, oui, oui. Il était déjà là, le mot, c'est juste que là, tu le remarques. Exactement. Comme on peut pas déterminer quand ou pourquoi quelque chose se produit, c'est un petit peu la même situation. Le déjà-vu aussi, c'est une manifestation particulière de la familiarité. Donc, on a également étudié le phénomène qui est connu sous le nom de mot sur le bout de la langue. Mm-hmm. Cette espèce de petite, ce qu'on utilise quand même assez souvent, exactement, qui est une sensation quand on a un mot qui est juste, mais qui est hors de portée de notre mémoire. Donc, le mot sur le bout de la langue et le déjà-vu, ce sont des exemples que les chercheurs appellent des phénomènes métamémoriaux. Oh. Ça reflète, en fait, un degré de conscience qui est subjectif de nos propres souvenirs. On a un autre exemple qui est le processus de mémoire qui est connu sous le nom de familiarité. Comme, par exemple, voir un visage familier hors contexte, mais on peut pas nécessairement le replacer. Ouais, où se connaît, toi? Ça aussi, c'est troublant parfois pour certaines personnes. Donc, le concept de métamémoire, ça s'insère dans le champ théorique qui est beaucoup plus large que la métacognition. Donc, de manière générale, ça fait référence à la cognition sur la cognition. C'est pour ça que c'est si troublant parfois de faire comme, hé, hey, attends, j'ai déjà vu cette personne-là, mais je peux pas nécessairement te dire où, ou d'avoir cette sensation de connaître le mot, mais de ne pas être capable de le dire. Donc, on renvoie en fait aux connaissances sur les processus cognitifs dans le cerveau et à toute activité cognitive en termes de contrôle, en termes de régulation sur notre propre individu qui peut exercer sur son propre fonctionnement cognitif en fait. Donc, si on se concentre vraiment, si on on se dit, hey, mon Dieu, attends, le sentiment de déjà-vu ou quoi que ce soit, et on se met à se concentrer vraiment très, très fort sur la situation, bien, on peut avoir notre propre contrôle cognitif. C'est une hypothèse de travail sur le déjà-vu qui est une manifestation particulière, en fait, de la familiarité. Et quand on a une certaine familiarité dans une situation, bien, on peut penser qu'on va déjà l'avoir vécu. C'est pourquoi c'est si bizarre, c'est si frappant aussi, c'est que la plupart des gens vont se rattacher à ça parce qu'il va y avoir un souvenir ouais. au bout de cette situation-là. Donc, depuis qu'on a commencé à publier les résultats au début du mois de mars sur le déjà-vu en tant que phénomène de la mémoire, bien, il y a des gens du monde entier qui ont commencé à réagir. Ce sont des recherches qui durent quand même depuis les 10 dernières années. On voit les résultats depuis les quelques jours précédents, mais c'est quand même quelque chose qui fait son temps. Là. Elle travaille là-dessus depuis 10 ans. Donc, ce sont des réactions qui motivent aussi d'autant plus la volonté d'approfondir des recherches dans cette situation-là. Et notre chercheuse explique qu'elle a lu une étude qui date des années 1950 par un neurologue qui est Wilder Penfield. En fait, c'est le pionnier de la neurochirurgie épileptique, oui, dans lequel justement on a stimulé des parties du cerveau des patients, on les a fait parler de ce qu'ils vivaient, et dans au moins un cas, quand un patient a rapporté avoir ressenti un sentiment de déjà-vu lors de cette simulation-là, bien Penfield a documenté des sentiments qui sont concomitants de prémonition. Donc à ce moment-là, c'est vraiment avec cette espèce d'étude-là que Anne Cleary a décidé de faire ses propres études, parce que ça la chicotait justement qu'on parle de prémonition dans tout ça. Donc, l'hypothèse, en fait, c'est que si le déjà-vu est un phénomène de mémoire, le sentiment de prédiction, est-ce que c'est aussi un phénomène de mémoire? Et on a davantage motivé ces recherches-là par un récent changement dans la recherche sur la mémoire qui affirme que nos souvenirs humains, notre mémoire humaine, notre cerveau est adapté pour être capable de prédire l'avenir à des fins de survie plutôt que de simplement se souvenir du passé. Donc, si on a un sentiment de prémonition ou si on a un sentiment de déjà-vu, bien, parfois, ça peut nous sauver d'une situation. C'est pourquoi, à un certain moment, le cerveau jouerait quelque chose de très important à ce niveau-là. Justement, dans le cadre d'une étude qui a déjà été publiée, eh bien, on parle du même groupe de recherche qui ont créé des scénarios de réalité virtuelle avec un jeu vidéo du style Les Sims. Et on a produit des scènes un peu comme une décharge ou quelque chose qui avait été abandonné, un jardin. Et plus tard, on a cartographié de façon spatiale des scènes qui ont été précédemment observées par certaines personnes, mais thématiquement non liées. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et on a immergé dans une scène de test de réalité virtuelle. Les participants ont été invités à signaler s'ils éprouvaient, par exemple, une sensation de déjà-vu. Et les sujets étaient beaucoup plus susceptibles de rapporter un sentiment de déjà-vu parmi les scènes qui sont spatialement cartographiées sur des scènes précédentes. Et c'est des études fondamentales qui reflètent l'expérience réelle de se sentir comme si on était là avant, mais d'être incapable de se rappeler pourquoi est-ce qu'on a cette sensation-là. Donc, les résultats suggèrent en fait qu'il y a des sentiments de prémonition au cours du déjà-vu qui se produisent et qui peuvent être illusoires. Le biais, en fait, métacognitif, c'est provoqué par l'état lui-même et ça peut expliquer l'association particulière entre le déjà-vu et le sentiment de prémonition. C'est vraiment intéressant, ça. Oui. Ça me rappelle la page Facebook dont je parle une fois de temps en temps, Spotted Histoire Paranormale. Oui. Ou quand t'es avec d'autres gens qui croient en ce genre de choses-là, les gens vont continuer de cultiver le mythe de quelque chose. C'est alors que si t'étais dans un groupe où il y avait des sceptiques, exact. Les sceptiques te diraient « Non, mais ta photo, il y a un fantôme, c'est à cause de ton reflex, de ton appareil, de je sais pas quoi. » Tu sais, il faut que tu sois entouré de gens qui vont te dire que c'est pas vrai. Il y a le moment aussi dans lequel tu veux te sentir. Si tu veux avoir une espèce d'histoire à la fais-moi peur, ouais, c'est ça. Ben, tu vas te laisser entraîner dans ce genre d'histoire-là. Il y a aussi les valeurs personnelles, les valeurs qui t'ont été inculquées par les gens autour de toi. C'est sûr et certain que, bon, tout à l'heure, tu disais il faut se rattacher à quelque chose. Je pense que c'est quand même assez important. Mais de là à avoir une situation de prémonition, peut-être pas. C'est ça, se rattacher à quelque chose, OK, mais se rattacher à quelque chose qu'on peut te prouver que c'est faux. comme le déjà vu ou les trucs paranormaux de fantômes sur une photo. Exactement. T'sais, c'est juste que tu veux pas, c'est que tu te mets un petit peu une barrière où tu vis dans le déni un petit peu. Mais bon, c'est mon avis à moi. Merci Tania pour ta chronique. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain. Alors, on a du temps pour une petite chanson avant de se quitter. C'est le fun. Voici Slaughter Beach Dog et Golden Green. Ah, sur la Switch. Comment m'y prendre pour gagner? Si tu me laisses chanson Kingsbury et Tu es la bête dans voilà. Sablage Ricky. Et c'est comme ça que ça se termine pour aujourd'hui. Mm-hmm. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci aussi à Antoine Ricard, La Pointe Ricard. La Pointe Ricard, Antoine, le seul et l'unique chroniqueur de la journée. Absolument, qui va être avec nous comme ça, une fois de temps en temps, pour parler de plein air. On rappelle, pour ceux qui ont manqué au début de l'émission, Léa Tessier, qui est à 7h30 habituellement le lundi, déménage au jeudi. Et Marc Gagné, qui habituellement est lundi à 8h30, s'en va au jeudi à 8h. Et on perd Marc Lachance le lundi. Ça me l'aide. Beaucoup de remaniements ministériels. Que voulez-vous? Travaillez fort là-dessus. C'est vraiment. Demain à l'émission, on a Dominique Zanbavungu pour sa chronique Voix d'Afrique. À 9h, Jimmy Thibodeau sera là pour Gauchère Bévue. Et exceptionnellement, à 9h30, Marc-Olivier Dumas va être là pour Sport et Filoché. Lui est très, très instable dans ses cas horaires, mais au moins, il est là. Donc, ouais. Marc-Olivier Dumas à 9h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, on se lundi. Évidemment, à midi, c'est la rediffusion de C'est dans ta face. À 13h, la rediffusion de Rock Classique. Et à 20h en direct, oui. C'est Rock de Neurones. Oh. C'est le mardi, c'est à 19h. Lundi, oui. C'est à 20h. Rock de Neurones, Rock Progressif. C'est fou.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se retrouve demain à 7h. Merci, Tania. Merci à toi, Mathieu. Bonne journée. Hey, bye. Bon café, tout le monde. Bye.